Bonjour, samedi 19 février 2022. Je sais pas pourquoi j'avais beaucoup de difficultés à passer au direct. Ça voulait pas. Donc, vous savez, comme j'avais dit, ce qui se passe à Ottawa, que ça allait être dégagé par la force et que ça allait être une grosse déception. Ça, c'est pas parce que je suis. Au fond, j'appuyais les revendications et les motivations. Le problème, c'est que je savais que ça ferait ça. Pourquoi? Parce que c'est de la psychologie de masse. Il s'agit d'opérations pour drainer l'énergie de la foule dans des activités de compensation collective, si je puis dire. Et je trouve ça malheureux. Ben oui, ça se peut qu'on fasse de la télépathie. Monsieur Todd, en fait, si vous êtes sensible à ma vibration, ça se peut que vous soyez averti intérieurement quand je fais bientôt un live. Bonjour, Sozo. Donc, vous avez-vous aussi les médias, comment les médias sont de mauvaise foi? On nous annonçait hier qu'un manifestant avait lancé sa bicyclette devant les chevaux de la cavalerie. Vous savez, la cavalerie qui était utilisée et qu'il était accusé d'avoir voulu blesser un cheval. En fait, il s'agit d'une vieille dame avec un déambulateur qui, semble-t-il, s'est fait piétiner. Donc, on voit là la malhonnêteté. Bonjour, Marie-Jeanne. Vous savez aussi, Madame Bombardier, Denise Bombardier, ce matin, qui disait qu'il y avait eu des dames tenant leur bébé de 2 ans devant la police pour s'en servir comme bouclier humain, alors que c'est totalement faux. C'est une des choses qui était dite aussi hier par des représentants des forces de l'ordre, mais nous n'avons aucune image de cela. C'est pas vrai que moi, à mes yeux, à ce que j'ai vu, nous n'avons aucune preuve que des enfants ont été mis devant la police, entre les manifestants et la police, pour. Franchement, c'est digne d'une dictature d'Europe de l'Est, là, du début des années 80, là. D'une petite dictature d'un petit pays, là, qui faisait partie de l'Union soviétique ou d'un petit pays communiste comme la Roumanie. C'est réellement. Puis le pire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, là, chez certaines personnes. Bon. Tout à fait, c'était tellement prévisible. Ben oui, je sais. Se servir des enfants comme bouclier humain, c'est ce que le gouvernement fait depuis 2 ans. Et voilà, c'est de l'inversion accusatoire, tout simplement. Donc, c'est odieux. Elle est, comme Madame Bombardier, comme d'habitude, elle est odieuse. Odieux, ça vient du latin odium, ça veut dire qui suscite la haine. Donc, qu'elle vienne pas me dire que j'emploie des mots que je connais pas, si jamais ça, de toute façon, ne portera jamais attention. Je suis trop insignifiant pour elle. Bonjour, Taranis. Donc, oui, il y a aussi un homme qui était piétiné là, par les chevaux. Par les chevaux. C'est réellement. C'est évident qu'il allait arriver des choses comme ça. Vous savez, tant que l'énergie de la foule est drainée, bonjour Taranis, ah, je l'avais dit, tant que l'énergie de la foule est drainée vers des activités de compensation collective, ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte des espèces de psychodrames, ben, il n'y a pas d'attaque sur d'autres terrains. C'est-à-dire que l'adversaire a choisi le terrain. Et sans s'en rendre compte, tout ça, il maîtrise à la fois l'opposition, et pas au sens d'une opposition contrôlée, au sens où on l'entend d'habitude, mais au sens d'une gestion de l'énergie des masses. Donc, bonjour Valentin, merci pour le direct. J'ai une petite question. Qu'est-ce que ça vous dit, les programmes spatials secrets? Ben, je vous avouerai que ce n'est pas dans mes grands, pas vraiment dans mes intérêts, là. Disons qu'il y a toutes sortes de choses au-dessus de nous et que c'est. Mais vous savez, il y avait déjà des choses secrètes par rapport à notre ciel dans les années là, 1800. Là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut qui sont très étranges. Il n'y a pas besoin d'affaires de. De toute façon, là, une grande partie des programmes gouvernementaux, là, les plus intéressants, sont. en quelque sorte secret. C'est des budgets flottants. Donc, tout le monde met de l'espoir sur les convois. Je dis les commentaires des gens, ils sont prêts à se disputer si vous dites que c'est pas pour le peuple. L'affaire, c'est que oui, c'est pour le peuple. Je veux dire, ils ont mon appui, hein, vous savez, puis ces gens-là, je comprends leurs revendications. C'est simplement que je sais que ça va se retourner contre eux. Ça n'a pas le choix. Il faudrait vraiment que ce soit à une autre échelle pour que ça change quoi que ce soit. Il y a aussi le fait que la logistique a été faite avec d'anciens militaires et des agents de la GRC, que je soupçonne, moi, d'être des agents doubles. Je suis persuadé que c'est infiltré depuis le début. Si vous ne pouvez pas battre votre ennemi, vous pouvez au moins le diriger vers l'erreur. Si vous ne pouvez pas, au niveau d'un argumentaire, réussir à avoir le dernier mot, vous pouvez au moins choisir le terrain pour que orienter le. Vous voyez, là, c'est. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est certain que les gens se choquent. Pourquoi? Parce que c'est émotif. C'est très émotif. Et le pire, c'est que si on regarde sur le terrain, les gens, ils sont très. C'est pas une foule violente, là. Et. Malgré les provocations, il y a eu énormément de provocations, notamment de la part de gens comme Justin Trudeau, de la police, de même, comment il s'appelle, là, la mouche à marde de TVA, là. J'oublie tout le temps son nom, il est fendant, ce gars-là, il a reçu des petites poussées, des petites... L'autre et tout, il y en a deux, là, mais je mélange. Vous savez, là, des mouches, ça se ressemble toutes, là. En tout cas, des gens, ils cherchent toujours le sauveur de l'extérieur, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que il faut avoir une compréhension de la stratégie, de la tactique, c'est-à-dire le plan global, avoir une vue d'ensemble, un pas de recul, mais aussi la compréhension des lois de l'énergie sur le terrain, la tactique. Et malheureusement, le bon peuple, si je puis dire, il n'est pas éduqué à ça. C'est des choses qu'on n'enseigne pas publiquement. Donc, si vous relisez La psychologie des révolutions de Gustave Le Bon, oui, la foule est imprévisible. C'est pour ça qu'elle va être conditionnée à l'avance au niveau de ses mouvements par les gouvernants, ceux qui ont une réelle science de la gouvernance. Donc, c'est certain que, vous savez, le noyau de la guerre, tout ça, c'était en ce moment, là, c'est cette foule-là qui est à Ottawa est en train de justifier des mesures de gel économique au sens de tout ce que. Prenez le journaliste Pierre Jovanovic qui parlait de ça, le contrôle des finances des individus selon leur comportement. La foule à Ottawa est en train de justifier ça. Et ils se servent des événements à Ottawa pour justifier ça. Ils ont juste des comptes. Il y a une espèce de coup d'État au niveau mondial, au niveau du financier, du banqueur et de la gestion de la ressource humaine. Parce que pour des physiocrates, les gens, c'est de la ressource. Comme du riz, comme du blé, comme des patates. Donc, c'est sur le terrain d'une éthique réelle, qui n'est pas subjective, qu'il fallait se débattre, et au niveau de la constitutionnalité. Mais non, c'est comme prenez là, la loi sur les mesures d'urgence. On prend les libéraux plus des libéraux déguisés, c'est-à-dire le NPD, puis qu'il y a un vote à la Chambre des communes, ça passe. Les conservateurs ne sont pas assez pour pas que ça passe. Donc, les gens, oui, Progressive Connection, bonjour Berthold. Dans des changements sociaux, il y a toujours de la désinformation et de la propagande et utiliser de la projection psychologique pour culpabiliser les opposants. Oui, mais dans le sens de jeter l'opprobre des bouts qui me servent, pas au sens d'une culpabilité interne, genre comme le surmoi puis le remords. Mais je comprends un peu là, ce que vous voulez dire. Cela va-t-il être enseigné un de ces quatre? Ben non. Ça fait partie des sciences secrètes. Ça, c'en est de l'occulte concret. Le monde pense que les affaires occultes, c'est de la petite... Non, non, c'est très, très, très concret. C'est de la géométrie sociale. On n'est pas dans des affaires d'invocation puis de spiritisme. Les sciences occultes, c'est ce genre de choses-là. C'est ça, de l'occulte. C'est pour ça que c'est pas enseigné au monde, puis que c'est encodé dans de la symbolique, puis de la, puis que c'est passé de gens qui comprennent d'un à l'autre, pendant que la masse, les grands véhicules, eux autres, ils pensent que c'est des affaires mystiques. En tout cas. Merci pour ta vibration. Heureuse de t'entendre. Oh, ben, je vous avoue que ce n'est pas des circonstances qui me rendent heureux, vraiment, là, mais on est l'énergie, voilà. Ils sont les vampires. Vous savez, ceux qui tirent l'énergie, c'est des vampires. Et c'est une science, ce qu'ils ont. Et c'est en groupuscule. Et puis, c'est au sens d'une initiation, au sens de la connaissance. Bonjour, Benoît. Bonjour. Marie-Chou. Marie-Chou. Donc, l'art de gouverner l'énergie des masses, c'est une science occulte au sens où c'est caché au public. Puis ça ne sera jamais enseigné dans les universités ou les écoles telles qu'on l'entend. C'est le genre de choses qui sont enseignées dans des institutions, oui, mais ce qu'on pourrait appeler des groupes liés à une caste. D'accord? Donc, il faut la voler, il faut la prendre de force, cette connaissance-là, pour quand on est issu du petit peuple, il faut savoir déchirer les voiles du bout de ses doigts et être un être supérieur à eux. Dans le sens que, il n'y a personne qui va vous initier au niveau de la connaissance, il va falloir prendre l'information de force. Donc, ils vont jamais dévoiler le secret au passé, ça. Ben non, c'est pas dans leur intérêt. Vous savez. C'est tellement subtil. Prenez le prince de Machiavel, c'est rien, là. C'est rien. Il y a très peu de choses. Très peu de choses. Il avait écrit ça, il l'avait dédié à qui, donc je pense à Laurent le Magnifique. Et ce bonhomme-là n'avait pas grand-chose de magnifique. Il y avait une magnificence qui l'entourait, comme si vous regardez, prenez Washington. Vous regardez Washington, des espèces d'architecture néoclassique, franc-maçonnique, puis ça a une vibration de retour au paganisme, au classicisme au sens antique du terme, puis les initiations des cultes à mystère. Puis vous regardez Ottawa, c'est une espèce d'architecture néo-gothique, pseudo-Tudor mélangée à du gothique français, genre victorien. On dirait des décors de films les films d'horreur anglais là, des années 30. Ça, c'est facile à voir au sens de la vibration à quoi on a affaire. On a affaire à des castes qui se réclament de. Il y a eu une transmission de. En tout cas. Donc. Vous êtes combien? 30? Ah, il y en a un qui vient de s'en aller. Mais ça se sent, ça. Je veux dire, Ottawa, regardez les édifices. C'est fait pour impressionner, c'est fait pour être oppressant presque. Ben oui, c'est beau, c'est certain que c'est beau. Ben beau, ça dépend de la sensibilité esthétique, là. Mais moi, je trouve que ça ressemble à des décors de films des années, des films d'horreur des années 30. C'est une espèce de victorianisme constipé. On parle qu'un jour, il n'y aura que des hommes et des femmes nouveaux. Ben ouais, mais là, c'est parce qu'il y a un changement de race, racine, un changement de cycle. Comme en ce moment, il y a. En tout cas, c'est un rien à faire de génétique là-dedans qui joue. Mais une fois que cela est fait, quel est le but de notre création? À quoi sert toute cette évolution pour être utile à quoi? Ça, c'est parce que vous pensez puis vous réfléchissez, vous avez une vision intellectualisée, psychologique de ça. Les choses n'ont pas un sens au sens où nous on l'entend. Elles ont une nature et elles suivent des lois naturelles en quelque sorte, sans tomber dans ce qu'on pourrait appeler un retour sur une philosophie qui sont justement affectionnées par des gens. La langue de bois s'est enseignée, oui, jusqu'à un certain point. Mais Mélanie Joly, juste à la regarder aller. Elle. Bonjour Saul, mais je voudrais revenir à Benoît Létalic. Toute cette évolution est utile à quoi? C'est parce que ça fait partie des lois de l'énergie d'habiter des formes de plus en plus sophistiquées au niveau d'une cristallisation dans l'espace et le temps. Puis quand une forme est désuète, elle se détruit pour arriver à du plus ergonomique. C'est des lois. Il ne faut pas regarder ça au sens d'un sens intellectuel, psychologique. Sinon, on ne voit plus ça. On le perd de vue. Donc, au Moyen-Âge, à Cambo-les-Bains, au Pays Basque, les gens apportaient une pierre de la maison dans l'église quand il y avait un enterrement. Est-ce une forme de paganisme? Pas nécessairement. Mais ça peut être. Il y a quelque chose de connaissance vibratoire là-dedans. Est-ce que les gens étaient au courant de la mécanique vibratoire? Mais je peux comprendre, là. Mais vous savez, la mécanique vibratoire était réelle au temps du paganisme comme par après. C'est au niveau des motivations, puis de la hauteur de la vue, si je puis dire que ça change. Mais c'est les mêmes lois, c'est les mêmes forces, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes. C'est simplement la façon de s'en servir qui n'est pas la même. Les forces de la nature sont à la disposition de tout le monde, mais il y en a qui vont s'en servir comme un secret qu'ils transmettent aux leurs pour dominer le reste des gens. Puis il y en a d'autres qui ont voulu, jusqu'à un certain point, casser ça et qu'il y ait une réelle justice au sens collectif du terme, sans employer le terme de justice sociale, parce que là, on tombe dans des choses un petit peu trop. Mais à ce niveau-là, la pensée chrétienne, ce qu'on a appelé aime ton prochain, la charité, c'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. Je sais que nous sommes tous des pièces de puzzle importantes, mais le puzzle est une illusion pour moi. C'est en dehors de la compréhension psychologique, mais il faut croire que l'énergie nous guide. Oui. Ben, si on essaie trop de comprendre le puzzle, on devient des pièces moins bien découpées. Ça risque de retarder l'énergie. C'est incroyable comme l'intellect, le psychologique semble retarder certaines choses. Je suis moins actif en ce moment sur Internet. Là, ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allé voir ma boîte de courriel parce que début mars, j'ai quelque chose d'important qui s'en vient, que ça fait 4 ans. Près de 4 ans que j'attends que ça se règle. Puis j'essaie de me garder un peu d'énergie. Mais je voulais faire un live aujourd'hui. Bonjour, Tianeb. Je voulais faire un live aujourd'hui, un direct. Parce que la manipulation, comme on la voit, me choquait trop. J'ai eu la vibration, il fallait dire quelque chose, là. Il faut au moins. Il y a certainement des gens qui s'accumulent une rage. Puis il faut que jusqu'à un certain point qu'il y ait un exutoire. Des fois, je me doute que j'apaise un petit peu en parlant. Qu'est-ce qui est important et organique selon toi? Comment les reconnaître? Ben, nous sommes. Pourquoi les reconnaître? On est tous des portails organiques. Quoi, vous n'avez pas d'âme, pas d'esprit en plus de votre corps, vous? Votre portail organique, c'est votre corps. Ça dépend quelle signification vous accordez à ça. Est-ce qu'on parle au sens du réel ou de la culture populaire? Un portail organique, ça peut être un possédé, c'est-à-dire quelqu'un qui sert de support à des forces, comme les gens justement qui veulent dominer leur prochain à tout prix parce qu'ils sont tellement vides dans le dedans, ils contrôlent tellement rien qu'ils veulent contrôler tout en dehors, mais en le faux fond, c'est eux qui sont contrôlés, comme ceux qui manipulent parce qu'ils sont manipulés par des forces inconscientes ou par des forces sociales collectives. La conscience collective, c'est de l'inconscience. Ça dépend, là, ce qu'on veut dire. Ils utilisent l'onde de forme pour impressionner les gens dans les édifices, mais de l'autre côté, ils se mettent à découvrir dans leurs idéaux. C'est la même chose du côté comportemental des individus. Oui, puis non. Parce que c'est la science de cacher en pleine lumière. C'est pas parce qu'ils se mettent à jour que tout le monde le voit. Vous le voyez bien, ça, que c'est pas tout le monde qui comprend. Puis, aller vers le beau et l'harmonieux au sens structurel, comme les édifices, moi, je suis pas contre. Je ne suis pas contre, au contraire. D'ailleurs, j'aime mieux l'architecture début 1900 qu'il y a à Ottawa, cette espèce de néo-gothique un peu carton-pâte que ce qu'on nous fait maintenant comme édifice. bien franchement, là, il reste que c'est plus beau que les horreurs qu'on fait maintenant, là, que c'est carrément de la tôle moulée, là, puis des cubes, des gros cubes. Ici, à un théâtre, ils ont fait un gros cube noir. Ils l'ont rénové, c'est devenu un gros cube noir. Ça, c'est l'horreur totale pour moi. Donc, on brûle de la naïveté, mais les morons vont continuer de consentir avec le sourire aux consignes de « Ouais, mais ne sous-estimez pas votre prochain. » Bon, Léon XIV. Le paganisme n'existe que par opposé. Vous savez, là, monsieur Léon Patente, là, moi, là, je parle là, du paganisme en temps de réminiscence au sens d'atavisme de certaines choses qui existaient au niveau de la pensée antique par rapport à une certaine subjectivité. Puis il n'y a pas juste à l'Église catholique. Là. Je veux dire, il y a, si on prend, dans le fond, les orthodoxes, pas des chrétiens, selon vous? Le paganisme existe juste par opposition à... C'est là, là, vous ne la voyez pas, la polarité? Que vous existez, vous-même, vous polarisez, vous vous positionnez, puis vous existez par polarité. C'est une fausse identité, ça. Engendrée par de l'orgueil spirituel. Comme vous, par exemple, vous êtes un païen, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez la... Bon, on va me faire traiter de païen par vous, monsieur Léon Chose, là. Moi, je vous avertis plusieurs fois. Puis, je vais vous bloquer. Bonne nuit. Tiens, à un moment donné, il y a des crises de limites. Vous pouvez entendre ça, des crises de limites. C'est vos limites dont il est question. Moi, j'endurerai pas ça. D'accord? Puis, si vous n'avez pas... au fond, là, vous n'êtes pas ajusté. Vous n'avez pas le... Aimer son prochain, premièrement, c'est de ne pas insulter le monde. Non, me traiter de païen. Va chier, toi. Mon esti, décalisse de ma chaîne. Décalisse de mon chat. Benoît, je voulais juste te dire que je commence à avoir un grand désintérêt pour l'occultisme. Une forme de dégoût intérieur. Depuis cela, il se passe pas mal d'affaires au niveau de mes neurones. Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas d'intérêt pour ça. C'est par possiblement, vous parlez l'occultisme dans le sens du grand véhicule puis de la culture populaire puis de ces choses-là. Puis, on n'est pas dans le... Parce que l'occulte, c'est ce qui n'est pas vu par une majorité. Pas nécessairement des traditions dites occultes, puis bon, ça c'est... Mais dans le fond, vous êtes en train d'avoir un désintérêt pour ce qui est astral, j'ai l'impression. Donc, Léon, vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Ben, il peut pas... En plus, le pire, c'est qu'on se désinforme en réfléchissant, donc je dirais pas de réfléchir, mais c'est ça qui est de la réflexion. Le gars est luciférien, il sait pas, il me traite de païen, fait que je dois le traiter de ce que je veux. Mais le pire, c'est que là, c'est par honnêteté que je dis ça. Quand on comprend ce que ça veut dire, c'est quoi l'Église? Pourquoi l'Église catholique est maintenant comme ça? De me dire que moi, je ne suis pas un chrétien parce que je ne suis pas catholique, je suis pas dans le culte catholique. Il y a des hosties de limites. Tabarnak avec tout ce que j'ai vu là, des catholiques puis de ce que j'ai... Pas né d'hier, là. Quand j'étais enfant, c'était encore religieux à l'école. Il y en a qui aiment ça, accuser les gens sans les connaître. Moi, mais la force, c'est lié. Voyons, lui, il va discalement en haut. C'est parce que, comment je pourrais dire ça, le monsieur, il comprend pas de quoi je parle. Il est attiré par une énergie, par une vibration, il vient ici. Puis, il comprend même pas les processus, la mécanique, les lois de ça. Fait que d'une certaine façon, mais moi, Zoban Valor, je l'ai averti trois fois, lui. Donc, je suis déprimé, merci pour ce live. Ah bon, ben tant mieux, si ça sert, c'est pour ça, là, que... Où commence le bouclier canadien au Québec? Merci. Ah ben, ça fait presque tout le Québec. Vous savez, là, il y a une phare qui suit le Saint-Laurent, si vous voulez, puis vers le nord, c'est quand tout le bouclier canadien. Donc... C'est quasiment tout le Québec, là. à part là, dans le coin, vous êtes plus près de l'embouchure du fleuve vers la mer, là on est moins dedans, mais plus vous remontez le fleuve, puis vous remontez vers le nord, plus c'est, on est vraiment dans du, presque des fois c'est des kilomètres là, de roc d'épaisseur. Pourquoi astral l'âme est reliée aux astres? Non, c'est pas ça. Là, on parle de l'astral au sens de l'énergie astrale, dans le sens qu'il y a une couche électromagnétique qui englobe la planète. C'est là-dedans que s'enregistrent certaines choses. Puis ça, c'est influencé aussi par d'autres énergies qui viennent de l'extérieur, si vous voulez. Donc, ce qu'on appelait anciennement, entre guillemets, dans le temps qu'il y avait une anthropomorphisation extrême de l'énergie, les dieux, mais ça, il reste que c'est extérieur. On pourrait qualifier d'astral tout ce qui fait partie du monde matériel, puis qui a une influence sur les structures psychomatérielles de l'être humain en tant que mémoire expérimentale. Donc, c'est de ça là, dont les questions, c'est pas astral au sens où ça a été employé avant, d'être défini entre autres là, par Bernard. Donc, ça ne sert à rien de croire en toutes sortes de choses qu'on sait qu'il suffit de croire. Ça a pas, il y a quelque chose de. Non, parce que ça marche pas. Allez voir La Croyance par Bernard de Montréal. Comme ça va m'éviter de répéter ce que d'autres ont expliqué. Parce que moi, je vais vous le dire franchement, la croyance, pourquoi l'être humain polarise entre le doute et la croyance, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est là où il ne sait pas que la croyance commence. Il y a une foi, ça ne vient pas de croyance. La foi, ça vient de confiance. Allez voir les racines des mots. D'accord? À un moment donné, j'espère que c'est pour. Parce que là, si je commence, moi, à être assailli là, par du monde qui sont possédés par le haut astral, qui sont dans toutes sortes d'affaires de croyances, je m'en vais faire une sélection, puis ça va être un groupe privé qui va m'entendre. C'est de plus en plus, ça va aller vers ça. Parce que, comme je le dis depuis quelques années, je suis de moins en moins patient. Donc, Léon, ça fait un moment qu'il cherche, bon, il m'a trouvé. D'habitude, c'est moins long que ça, mais je suis fin, je suis gentil. Dans le sens que j'essaie d'être charitable. Mais il y a des limites, là. Il y a des limites. Le gars, il ne sait même pas de quoi on parle. Maintenant, Chris, ça va faire. Va faire ton chapelet. Va dire ton chapelet, puis calisse-moi à pied. Tabarnak, t'as pas d'affaires ici. T'es pas ajusté. T'es pas à ta place. Chris, t'es venu m'évangéliser puis me faire du prosélytisme. Ça marchera pas. Sacrement. C'est pas pour rien que j'ai jamais été confirmé puis j'ai pas voulu. Calice, au moins même l'Église elle a ce respect-là de nous demander à un moment donné si on veut ou pas. Ça s'appelle la confirmation, puis moi j'ai dit non. De toute façon, c'est pas toi qui mène, c'est pas toi qui décide. OK? Dieu reconnaîtra les siens, c'est pas toi ça. Puis moi, le choix il a été fait. Puis je le sais que l'Église, c'est quoi? Puis je le sais pourquoi j'ai dit non. Puis pour ce qui est de c'est quoi réellement Dieu, puis au niveau individuel, au niveau de mon mysticisme personnel, ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est pas toi ici qui va venir me faire de l'opposition, puis qui va venir me faire chier. Ça marchera pas. Puis si t'es en pleine personne, toi, tu risquerais de te faire à côté dans le mur. Calice. À un moment donné, il y a des crises de limite. Ici, on les leçons l'endurer des curés, qui, quand le bonhomme est au chantier, tabarnak, qui venait faire des enfants à bonne femme, puis. À un moment donné, ça va faire, puis de tout ce qui est arrivé, puis de tout ce que j'ai su, puis de tout ce qu'on m'a confié sur. Vous êtes. C'est satanique, l'Église catholique, tant qu'à moi, en grande majeure partie, puis c'est une gang de possédés qui sont rentrés là-dedans souvent parce qu'ils voulaient avoir du pouvoir sur autrui. Puis de tout ce qu'on m'a raconté, dans. Moi, quand j'étais petit, il y avait encore un pensionnat d'ouvert à côté, puis il y a du monde, ils ont été mis à genoux sur des chapelets jusqu'à ce que les genoux le saignent, puis qu'aujourd'hui, ils ont encore les cartilages des genoux finis. Fait qu'à un moment donné, le tabarnak, ça va faire. Ici, on a eu la révolution tranquille, OK? Puis, ça sera pas tranquille s'il y a des résurgences, des hosties d'atavistes, de crises de tabarnak qui viennent nous faire chier. À un moment donné, ça va faire. Il faut être ferme. Bon, on va arrêter de penser à ça parce que ça me met en colère, voyez-vous. Donc, est-ce qu'il y a dans l'astral et de l'énergie? C'est pas intelligent, ça me demande où vont les morts. Ça n'a pas rapport, là. Vous ne comprenez pas, là. Et c'est des questions de des mémoires enregistrées. Les morts, en quelque sorte, dorment. Le séjour des morts, c'est en quelque sorte de la mémoire expérimentale enregistrée. C'est un petit peu comme un entrepôt, si vous voulez. Mais c'est de la mémoire, c'est pas au sens... vous avez une vision spatio-temporelle. C'est ça, là. Donc, c'est de l'énergie, dans le sens... Oui, dans le sens, mais c'est l'énergie de l'astral, dans le sens qu'il n'y a pas de lumière, au sens où c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est quand vous avez une cassette, là, un ruban magnétique, puis que vous enregistrez quelque chose dessus. Bon, ben, c'est pas vous qui êtes allé sur la cassette, c'est une mémoire de vous qui peut continuer à avoir sa vie propre en quelque sorte. Là, c'est un petit peu grossier comme parallèle. Mais il reste que c'est pas si mal de comprendre l'astral, parce que l'astral, c'est pas réel. Ça a une incidence réelle. Ça a une influence inconsciente, mais c'est pas réel. C'est comme, je sais-tu, moi, l'influence que peut avoir un groupe de musique ou l'influence que peut avoir un philosophe, c'est de l'influence, mais vous devenez vous devenez pas le... Je veux dire, c'est pas comme si vous viviez avec ou que vous deveniez cette personne-là. Où vont les morts? Ils vont dans la mémoire collective, entre autres. C'est pas pour rien. Si vous regardez tous les rites mortuaires, puis c'est c'est, ça veut pas dire que ça peut pas être recouvrer une vie, mais ce qui est passé est mort. Vous comprenez? C'est des énergies mortes. C'est des affaires de loi. L'ego meurt. OK? C'est pour ça qu'on dit l'âme est immortelle. Ouais, en tant que mémoire, mais il y a juste l'esprit qui est éternel. La seule partie qui est réelle en vous, c'est votre source. À votre source. Tout le reste, c'est juste... En tout cas, il faut que je me remette un petit peu de... Mais à un moment donné, ça va faire. Connexion originale. Bon, c'est pas une place pour juger, accuser les gens. On est là pour partager de la confiance, pas pour mettre des étiquettes. Vous savez, ça me tente d'en mettre, mais en mettre des étiquettes. Dans le sens que il y en a, ils n'ont pas assez souffert. Ils n'ont pas assez souffert. Ouais. C'est terrible d'avoir devoir dire ça. De la souffrance, quand on a vu beaucoup par rapport à certaines choses. Puis quand j'en ai connu, moi, là, du monde comme des religieuses. Puis en tout cas. On est connu du monde qui l'ont subi. Le catholicisme, là, c'était une religion. Moi, je vois quelque chose au sens où je vois une très grande différence entre le christianisme et le catholicisme. Puis, c'est une idéologie dans le sens de doctrine. Fait que là, à un moment donné, là, si vous pensez qu'un chrétien qui dit pas son chapelet, là, il faut que vous l'éduquiez à faire son chapelet, là, vous êtes dans de l'orgueil spirituel. Moi, je ne vais pas écœurer le monde, c'est le monde qui vient de me voir. Dans le sens que je n'ai jamais fait de prosélytisme, parce que moi, ce n'est pas une religion. Le supramental, c'est un phénomène psychique, c'est pas une religion. Mais là, à un moment donné, ma patience a des limites. Ma patience a de sérieuses limites. Dans la famille, dans mon père, par exemple, il en avait un, c'était un franciscain, là, un Christ d'hypocrite, là, qui couchait avec son chauffeur, puis qui était le trésorier de sa communauté, là, puis qui était tout le temps en voyage à Rome, là, puis qui fallait avertir les enfants, dont mon père puis mes oncles, là, de pas rester tout seul avec. Là. À un moment donné, il y a des crises de limite. Le catholicisme, c'est un phénomène social, collectif, mémoriel, c'est clair. Le christianisme, ça, c'est un phénomène au niveau... réellement spirituel, si vous voulez, mais là, si on parle du phénomène, c'est un peu comme le supramental. Si on parle du social, puis tout ça, c'est des sectes. Mais si on parle du phénomène réel, ça, c'est pas pareil. Donc, la foi, cette espèce de confiance-là, qui est une grâce, au fond, elle vient pas avec des formes, nécessairement. Ça fait que les vieilles crises de forme à un moment donné. Bon, je prends du retard dans le... Pourquoi la mémoire de l'eau est-elle un tabou en médecine conventionnelle? Parce qu'il y a du monde qui... Vous savez, la médecine conventionnelle, maintenant, c'est des intérêts. Comme, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique, puis tout, qui ont pris le contrôle. C'est pas pour rien que les salles de conférence où les médecins font leurs cours portent souvent le nom des compagnies ou sont payés par des compagnies. Donc, il y en a qui veulent rapprocher ça. Ben, vous savez, il y a aussi le fait que la théorie par rapport à... Prenez Jean-René Dufort, qui a fait partie des sceptiques du Québec, puis qui est un chimiste. Il va tout le temps parler contre l'homéopathie. Pourquoi? Parce que c'est une forme de lobbyisme. Jean-René Dufort. De la même façon qu'il y a des homéopathes, c'est des lobbyistes aussi, là, ceux qui en parlent, puis qui répandent. Non, parce qu'il y a des compagnies aussi derrière des granules de sucre. Il faut les fabriquer et les vendre. En tout cas, la vérité est au-dessus de toutes les considérations religieuses. Bassement Thérèse Pollard. Ouais, mais vous savez, le problème avec la vérité, c'est que c'est psychologique. C'est la polarité du faux. C'est pour ça qu'au niveau du supramental, Bernard de Montréal, puis d'autres, on parle le réel. Le réel, là, c'est au-delà de la polarité du vrai et du faux. Parce que la vérité, ça peut être réel un temps. C'est limité au temps et à l'espace, puis au psychologique, puis à l'intellect. Alors que le réel, c'est au-delà de la perception. C'est pas une forme. C'est quelque chose qui existe en dehors de la perception, qui s'impose. C'est des lois. C'est du cosmique. C'est plus de l'astral. On est dans du... On n'est plus dans de la... Bon, en tout cas. Bonjour tout le monde. Bonjour, Laurine. J'espère que je n'ai pas choqué du monde, là. Dans une vidéo, BDM dit que le centre de gravité, c'est l'équilibre entre les émotions et le mental. Pouvez-vous développer? Voilà. Si vous avez un centre, vous allez être capable de vous servir de l'énergie, l'émotivité. Là, ça veut dire que vous avez développé il y a un surmental. Dans le sens, pour se servir du mental, il faut être objectif. Je ne sais pas si vous saisissez. Un centre, c'est quelque chose de solide, d'une base à laquelle vous pourrez toujours revenir. Une forme d'objectivité qui va être en dehors. Vous allez une position d'où vous allez pouvoir objectivement observer les mécanismes de votre subjectivité psychologique émotionnelle, entre autres. Donc, cette espèce de centre-là, c'est pas quelque chose qui est tout le temps, qu'on est tout le temps dedans, mais c'est tout le temps là. C'est-à-dire, on a toujours la possibilité d'y revenir. Prenez quelqu'un qui doit se concentrer, c'est parce qu'il est décentré. Quelqu'un qui a développé un vrai centre puis qui en est conscient, il va tout le temps revenir à son centre sans avoir à se concentrer. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'effort. Pas au sens où on l'entend psychologiquement. Quelqu'un de centré aussi va être moins fatigué psychologiquement. Il va subir il va être moins porté au stress. Il va se rendre compte qu'il y a une game. Il va donner moins d'importance au psychologiquement. Il va accorder moins, dans le sens donner une valeur subjective. Puis il va perdre moins d'énergie parce qu'il va se faire drainer moins d'énergie par des programmes dont il n'est pas conscient. C'est-à-dire que s'il y a un surmental, un point de positionnement objectif d'où on peut observer la mécanique, c'est-à-dire les programmes, l'énergie, la mémoire, c'est quoi? La mémoire expérimentale, comment ça peut agir à notre insu. Des fois, ça peut agir à notre insu, mais il va y avoir un retour vers une objectivité, puis on va s'en rendre compte après coup. Puis plus il va y avoir un exercice répété, plus ça va être en temps réel, de plus en plus. Le délai entre le fait de se rendre compte de quelque chose va rapetisser tout le temps, et à un moment donné, vous allez être dans votre centre tout le temps. Puis moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint ça. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont atteint. Parce que il y en a vous savez, là, dans le supramental, les gens les plus intéressants, c'est des gens qui ne sont pas publics et qui ne parlent pas. Malgré qu'il y a toujours possibilité de rechute, si on peut dire. C'est une pratique sans théorie, c'est-à-dire il faut voir sans le réfléchir ni le penser. C'est ça, le centre, c'est d'une vue panoramique de votre expérimental, mais au-dessus de... En tout cas, c'est difficile à mettre dans des mots, mais je pense que je viens de le faire. Vous vous emportez pour rien. Toi, veux-tu vous vous emporter pour rien? Toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Vous vous emportez pour rien, ma t'en faire. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il me dit plus tard? Peut-être que je me suis mal exprimé, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Ben, c'est quoi tu avais dit? Bon, un instant, là. Non, je parlais de quelque chose, je m'emportais à propos de choses dont je parlais. Ça ne sert à rien de croire en toutes sortes de choses qu'on sait qu'il suffit de croire. Ah, je parlais de choses par rapport à la croyance, pas par rapport nécessairement à ce que vous dites. Vous dites quelque chose, je le lis, puis je pars sur le sujet, là, pas... Mais par rapport à ce que vous dites, là, vous voyez pas qu'il y a de quoi qui se tient pas. Ça ne sert à rien de croire en toutes sortes de choses quand on sait qu'il suffit de croire. Vous parlez de quoi? La foi? La foi, c'est pas une croyance. C'est pas de la croyance, la foi. La foi, c'est une volonté engendrée par une confiance. Allez voir la racine du mot « foi ». Donc, votre histoire de croyance, la croyance, c'est de l'ostinement, c'est-tu clair? Puis jamais je me suis contredit là-dessus, puis je ne me contredirai pas non plus là-dessus. Pour moi, il suffit de croire, c'est de l'hostie de désinformation de merde. Es-tu content? Là, Star, fais-moi pas trop chier, sinon tu vas aller rejoindre Léon XIV dans son... C'est-tu que je viens en tabarnak pareil? Déjà, avec ce qui se passe, je ne suis pas de bonne humeur contre certaines forces. Si c'est à votre insu, moi je vais finir par m'attendre, puis tu vas finir de toute façon par au niveau de ton expérimental à frapper un mur, puis te rendre compte que c'est pas pour rien que je m'emportais. Parce qu'à un moment donné, ça va te tester, puis tu vas te rendre compte que c'est plus là. C'est l'affaire de croire, là. Ça va engendrer de l'expérimental pour qu'on voit que c'est pas réel. Quelqu'un qui est obligé de croire, c'est parce qu'il sait pas. Quelqu'un qui sait va avoir confiance en ce qu'il sait. Franchement, vous vous emportez pour rien. Toi, va te porter ailleurs. Va traîner tes guêtres ailleurs. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui à me faire chier. À ma confirmation, je me suis évanoui et me suis réveillé au fond de l'église près de la porte et je suis parti. Est-ce qu'au niveau de votre expérimental, ça n'aurait pas un lien avec quelque chose de refoulé dans le passé? Je me pose des questions. C'est peut-être tout lié... Vous savez, les églises sont construites de façon à concentrer des concentrateurs, des condensateurs, jusqu'à un certain point, c'est lié à la géomancie. Peut-être vous avez eu un malaise. Rituel cannibale en plus. Ben oui, mais faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire aimez-vous les uns les autres comme partager un repas ensemble. Puis ça n'avait pas rapport avec le mystère de la transubstantiation puis de toutes sortes de rituels magiques. Dans le fond, ça en est du paganisme. Moi, à mes yeux, à moi, les histoires de transsubstantiation, c'est une espèce de rituel magique collectif de psychodrame, puis ça n'a pas rapport avec « faites ceci en dehors de moi », c'est pas ça. L'affaire là, d'aller se sacrer à genoux en avant d'un prêtre là, qui vous met de quoi de blanc dans la bouche, là, à mes yeux, ça n'a rien à voir avec « faites ceci en mémoire de moi », d'accord? Bon, Marie-Jeanne. Lui, ça va, mais quand je lis les commentaires, il y a du monde qui écrivent toute la Bible, et quand je vois ça, je lis même pas parce que c'est tellement fatigant. Bon, moi, j'ai rien contre la Bible. J'en ai une ici. Ben, j'ai tout le temps eu une Bible. Et pas, mais l'affaire, c'est le monde, c'est comme des perroquets. Ils n'intègrent pas ce qui est au-delà de la foi. Je comprends. Leur symbole est un sacrifice humain. Ils mangent la chair et boivent le sang. Et leurs prêtres sont déguisés en magiciens pour mieux séduire les petits haripossés. C'est des Vintras. Vous connaissez Vintras, puis l'abbé Boulin, puis tout ce monde-là. Tu sais, les robes blanches, là, comme Parce qu'en dessous des chasubles, là, l'espèce de... Ça vient d'où, ça? Ça vient pas du paganisme, ça vient pas de la magie antique. C'est pas le reflet, justement, d'une récupération par des forces vampiriques de la lumière, c'est-à-dire du luciférien, c'est-à-dire un réflectif, quelque chose qui récupère la lumière, mais qui n'est pas en contact avec sa source, mais elle la draine pour exercer un pouvoir et une autorité sur Terre. Ouais, mes yeux, l'Église catholique, c'est du paganisme. Regardez, là, la chapelle Sixtine, le plafond, rien que des culs. En tout cas, j'ai pas envie là, de devenir méchant, là. De toute façon, méchant, au sens ancien du terme, mais méchant, c'est. Ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Puis je sais que je suis pas de la race des méchants. Donc, bon. Institution véreuse pour. Ouais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du monde sincère dedans. C'est pour ça que je peux pas non plus être contre. Je peux pas être me dire. Je peux pas me mettre en position de lutte contre l'Église. Mais je la subis. Je ne me mettrai pas en position de la subir à plat ventre à terre, le cul dans les airs, par contre. Le collectif, le côté collectif. Mon niveau individuel, oui, il y a du bon. Il y a du bon monde là-dedans, là. Nertel ne s'en porte pas pour rien. Les prédicateurs, surtout insistants, n'ont rien à faire ici, c'est de la pollution. Oui, ben c'est un peu ce que je pense. Je pense que j'étais assez. Ah, bonjour, Carole. Les égrégores, le livre akashique, le monde de la mort. Moi, ouais, ben, vous savez, les archives akashiques, oui, c'est de la. Les rites, les doctrines, la conscience collective, les entités, la conscience des plantes et des animaux, c'est de l'astral. Ouais. Mais il reste que c'est parce que c'est ça le problème. Prenez dans l'animisme, par exemple. Il y a des gens qui allaient adorer des âmes collectives d'animaux. Ces forces-là ne sont pas censées dominer l'homme, qui lui, a réellement, il vient de plus loin, là. Il y a une source, il y a un contact avec l'esprit, là. Il n'est pas supposé se mettre à genoux en avant des forces de la nature. C'est pour ça, justement, il est écrit certaines choses par rapport à ça, mais c'est là où il y a même. Vous pouvez même entrer en contact avec l'intelligence d'une plante. Il y en a qui font ça, qui rentrent en contact avec. Mais il ne faut pas être soumis. L'être humain est entre autres sur Terre pour intégrer la capacité de donner une direction à l'énergie, c'est-à-dire la volonté. La volonté, il ne faut pas se soumettre à des volontés qui sont de conscience planétaire, des forces planétaires. Parce que vous êtes prisonnier du pentacle, si on peut dire, de ce principe-là de quintessence, dans le sens que vous êtes emprisonné c'est les éléments qui vous dominent, là, ou vous allez être dans l'illusion de dominer les éléments, mais la relation est même pas là, là, c'est même pas horizontal, là. Faut que ce soit vertical, l'être humain, c'est pas censé être sur Terre pour. Bon, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai bien de la misère avec tout ce qui est ces affaires-là. Qu'est-ce qui est les histoires de Deva, puis de. Peu ben de la misère avec ça. Il y en a là que j'ai connu du monde que ils voulaient pas trop faire leur gazon pour laisser les pissenlits pousser. Puis moi là, non, non. Moi à chaque fois que j'ai eu un terrain, je passais à la tondeuse. Puis j'aime ça quand le gazon est coupé. Puis moi là les esprits des pissenlits là. Puis voyons, je commencerai pas à m'empêtrer l'esprit des affaires de même. Puis quand il y a une bébite dans ma maison qui a pas d'affaires là, elle meurt. Je ne vais pas la prendre par la patte pour l'amener dehors. L'être humain est censé gérer l'énergie de son environnement sans trop. Ben sinon, c'est les forces de la nature qui le dominent. C'est ça de la magie au sens le pire, là. En tout cas, il faut sortir de la pensée magique à un moment donné, là. Vous avez proposé le livre de Gustave. Je partage beaucoup. C'est pour partager maximum son livre. Ah, ben, il y en a plusieurs, hein, vous savez. Bonjour José, Virginie. Le catholicisme est une récupération, perversion de la chrétienté à des fins de pouvoir, de domination et de soumission, exactement. Mais on n'a pas le droit de s'attaquer aux individus à cause de ça. Sinon, ça revient au même. On devient semblable à. En tout cas. C'est pour ça que j'ai rien contre les gens qui sont catholiques. Puis je considère que ça fait partie de leurs droits fondamentaux. D'ailleurs, quand ils ont imposé le passe vaccinal pour aller dans les églises, j'étais totalement en colère. Puis j'aurais été prêt à défendre le droit de ces gens-là. Nos constitutions garantissent la liberté de culte, puis ça, je trouve ça correct. C'est pas moi qui va. Le centre est situé entre le mental et l'esprit, ou le mental est ajusté par l'esprit? Bon, là, il ne faut pas nécessairement avoir une vision spatiale de ça, là, entre le centre est situé entre le mental et l'esprit. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas être dominé non plus par l'esprit. Sinon, parce que l'esprit, ça n'a pas de considération, ça a son propre plan, ses propres lois, semble-t-il. Donc, je ne l'envisagerais pas comme ça. Donc, la question, mais oui, le mental va être ajusté par l'esprit, tout simplement, parce que c'est des affaires de loi, là, c'est comme les lois de la gravité, là. C'est sûrement de la shit astrale, mais c'est quoi les mantis? Ça en parle à l'occasion. Ah, oh, les mantis, c'est des mantismes. Les mantismes. Les mantismes, là, c'est juste des manifestations. C'est lié au système nerveux, entre autres. C'est comme quand vous êtes entre la veille et le sommeil, puis que vous, sans rêver, vous voyez des images dans un état second. Il y en a qui voient des formes géométriques colorées, il y en a qui voient des scènes plus élaborées. Puis, si vous fumez beaucoup, vous buvez beaucoup de café, vous allez avoir plus tendance à ça. Les mantismes, c'est des images, des formes qui s'imposent à la perception dans un état second. Donc, les gens sur le point de s'endormir, par exemple, ça peut être auditif, ils vont entendre quelqu'un dire leur prénom. C'est ça, des mantismes. C'est-à-dire que vous êtes en deux états. Puis vous êtes sensible à, ça peut être des ondes, des choses qui viennent influencer votre système nerveux. Ça m'est arrivé une fois, bien, j'ai perçu des dessins animés dans un état comme ça. Puis par après, un addon comme ça, j'ai vu à la télévision le même dessin animé. Puis je me suis dit, probablement que le bloc appartement où je vivais, au moment où j'ai perçu ça, alors que j'étais en train de m'endormir, il y a quelqu'un dans le bloc qui écoutait la télévision. Puis il y a eu une sorte de parasitage télépathique. Parce que par après, j'ai reconnu à un moment donné un addon comme ça que j'avais. Parce que je me rappelle, quand ça m'est arrivé, je disais, voyons, pourquoi je vois des petits bonhommes? Mais ça peut être toutes sortes de phénomènes qu'il y a derrière les mantismes. Mais si vous allez, même la définition... La définition habituelle des mantismes fait par les psychologues puis par les neurologues est correcte. Si vous allez voir la définition, c'est mantisme, le terme. Moi, j'adore quand tu hausses le ton et dans cette fréquence que je te reçois le mieux. Ça fait du bien. Ah oui, eh bien, les gens de mon entourage, quand j'hausse le ton, là, ils n'aiment pas ça. Bonjour à tous. Oui, je sais. Tu l'as bien exprimé, le centre, c'est très bon. OK. La foi et la volonté de sa certitude. Non, la certitude de votre conscience. À un moment donné, quand on sait, on sait. Il y a des. Vraiment savoir, là, quand vous savez réellement quelque chose, c'est impossible de changer ce que vous savez, là, vraiment, là, vous le savez, puis vous le saurez. Il n'y a pas moyen de ne plus le savoir. Puis jamais votre expérience va venir contredire ce que vous savez, c'est impossible. C'est très, très particulier, le savoir. Dès qu'on pense, on est dans l'expérience. Ouais. Mais c'est un expérimental qui n'est pas en mouvement dans le plan matériel nécessairement. C'est juste penser, mais c'est déjà... Ouais. Oui, c'est une forme d'expérimental. Ben, c'est l'expérimentation du mental, mais à travers des formes. Expérimental, l'expérimentation du mental. Mais c'est lié à les formes. Comme dans le mental, il y a des monuments, si on peut dire, c'est-à-dire des formes qui archétypales, monumentales. En tout cas, on ne tombera pas dans le langage des oiseaux. Là. Moi, vous savez, je ne suis pas fort là-dessus. Moi, je trouve cela drôle, tu sais. T'as fait tester, mais tu réagis bien moins. Oh, je suis habitué de faire face. Je suis habitué de faire face. J'ai assez plié dans ma vie. Les croyances proviennent du mental par des valeurs construites par l'ego et des jugements au lieu de l'observation. C'est ça. C'est ça, dans le sens, c'est subjectif. Vous savez, là, l'observation réelle, c'est sans réflexion ni, intellect. Vous voyez. Vous allez voir. Clair. Pas besoin de le penser, pas besoin de le réfléchir. C'est là. C'est comme un gros chien au milieu de la pièce, là, qui pue. Le curé qui te met. Hein? Ouais, ben là, j'ai dit ça comme ça, là. C'est parce que c'est une vibration, tout ça, là, c'est... comment je pourrais appeler ça, ces affaires-là? Moi, mes yeux, c'est des sparages et des simagrées. Et voilà. C'est une vibration de se faire imposer ça, puis pas de salut en dehors de ça. Moi, mes yeux, c'est un viol psychique imposer ça. Donc, la robe blanche, les lys, l'encens, et enfin, après avoir été ouvert la bouche pour l'hostie, je suis tombé évanoui pendant un bon moment. Moi, c'est pour ça que je me pose des questions si c'est pas lié à des expériences refoulées. Ou si c'est lié vraiment au lieu, ce qui m'étonnerait parce que là, vous mettez, c'est arrivé à des moments spécifiques. Donc, les gens oublient de considérer l'époque et à qui s'adressaient les écrits bibliques et les croyances et cultures de ce temps. C'est pourquoi elle est incomprise. Oui, mais derrière la forme. C'est parce que justement, ce qui est lié au contexte de l'époque, c'est la forme. Donc, tout est illusion, oui. Mais derrière ça, il y a juste du réel. Je parle derrière, là, pas l'écran. Je sais pas pourquoi que l'on a des discussions ici, des sujets aussi. Fait-il de croyances par des religieux, des ésotéristes, des New Age, au lieu de parler de conscience supramentale multidimensionnelle? Je vais vous le dire pourquoi. C'est à cause de l'énergie. La lumière attire les mouches. Je ne dis pas ça avec mépris. Mais il y a une loi là-dedans qui fait que c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui chargeaient jusqu'à 800 $ pour un séminaire. Puis là, je vous parle, il y a 25 ans passés, pour trier. Pour trier. Parce que vous savez, les gens qui sont dans la spiritualité, là, puis souvent, ils sont pauvres. Donc, parce qu'ils sont justement, ils n'ont pas le contrôle de leur expérimental, c'est l'expérimental qui les gouverne en quelque sorte, ils sont à la remorque de leur vie et ils subissent les événements et justement, certaines choses viennent compenser puis les rassurer là-dedans, mais souvent c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'être très en moyen. Donc, en chargeant beaucoup très cher, moi je suis gratuit, donc n'importe qui... Mais en chargeant très cher, il y avait moyen d'effectuer un tri. Donc, c'était des gens sérieux qui s'intéressaient vraiment à ce dont il était question qui venait. Parce que moi, je serais bien curieux, là. Il y en a bien, là, les rongeurs de balustres, là, eux autres, ils se sont créés un surmoi despotique. Pourquoi? Parce que ils ont mis la pauvreté comme une vertu. Ils sont orgueilleux de leur humilité. Ils sont dans la polarité, en tout cas. Donc, souvent, comme par exemple, si je crée un groupe privé qu'il fallait payer, il faudrait payer, je le fais pas parce que je considère que je dois pas, mais ça aiderait peut-être. Dans le sens que ça trierait certaines personnes qui n'auraient pas les moyens. Sinon, ils ne pourront plus donner de petits changes à la quête. Donc, bon. Moi, je préfère rien savoir quand je sais juste que je sais rien, que je... C'est tout sans savoir que je sais. Moi, ben c'est parce que c'est l'intellect qui dit ça, je sais ou je sais pas. Puis savoir, c'est en dehors, réellement, c'est en dehors de l'intellect. L'intellect est instruit par des structures personnelles, en dehors de l'ego. Donc, l'ego étant qu'une lentille, car l'esprit peut jouer des tours. Ouais. Être un païen n'est pas une insulte. Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Moi, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Alors qu'à mes yeux, c'est une inversion accusatoire inconsciente. Donc, j'étais où? Il n'y a aucun obstacle entre notre but et soi-même, sauf celui de notre pensée. Ouais. Prenez... Coudonc, il est revenu. Hey, je t'avais bloqué, toi. Là, je te le demande, là. Elle revient plus. Je ne veux plus te voir ici de la journée, de temps que le live marche. Je ne veux plus t'avoir ici. OK? Pourquoi, selon vous, quand il y a eu certains mouvements en Europe, notamment, par exemple, en Allemagne, que c'était lié à un retour du paganisme, puis de certaines affaires anciennes. Oui, c'est une insulte au sens évolutif, évolutionnaire, parce que c'est une phase qu'il y a eu. Moi, je considère que oui, c'est une insulte. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Puis là, je te le demande, le cœur m'a pu. Viens plus ici. Sinon, je vais m'arranger pour te bloquer d'une façon que tu ne reviendras pas à moins de t'ouvrir un autre compte. Mais je ne veux plus te voir. Es-tu capable de respecter ça, là? Je t'ai averti plusieurs fois, je t'ai dit plusieurs fois. Là, je ne veux plus que tu viennes ici. Tellement que si c'était physique, là, je te crisserais dehors. Si tu étais chez nous physiquement, là, je te calisserais dehors. Ou je te crierais après jusqu'à ce que tu sortes, tu auras la peur de ta vie. J'endurerai pas ça. J'en ai assez enduré dans ma vie des fatigants. Il n'y a aucun, oui, ce qui est réel et ce qui est permanent. Vous voyez, quand je reviens dans un centre, je me trouve drôle. Là, tout d'un coup, j'ai une vision objective de comment je peux être un petit peu. Je suis un peu ridicule comme tout le monde. Hein. On fait le mantisme intégral, ce sont des formes visuelles ou auditives, des formes de la création originelle par un état second. Pas nécessairement. Mais non, ça va pas à ce dont je parle. Là. Allez voir la. C'est bien décrit, là. Allez juste sur Wikipédia, allez voir mantisme. Je suis certain que la définition qu'ils en donnent est correcte. J'ai entendu deux voix différentes crier mon nom en même temps dans mon mental quand je m'assoupissais. Oui, on s'en est ça, des mantismes. Mais le mantisme, c'est ce qu'on a, le phénomène, dans le sens, ça ne veut pas dire que ça a tout le temps la même cause. On parle de l'effet. Comme par exemple, une inondation dans une maison, ça peut avoir des causes différentes. Ça peut être à cause qu'une rivière sort de son lit, comme ça peut être à cause d'une pluie abondante. C'est la même chose, les mantismes. Ça peut avoir des causes différentes. Quand j'étais enfant, que je fermais les yeux, je voyais défiler des rideaux superposés de formes géométriques complexes, similaires à des tapis persans. Et voilà, ça en est ça. Mais si vous donniez forme à de l'énergie, possiblement, vous savez, le nerf optique, quand il n'est pas stimulé, il y a un vide, puis vous savez, il reste que c'est un phénomène électrique, en quelque sorte, et puis le cerveau va être porté à donner des formes. Parce que d'ailleurs, le cerveau est un filtre, c'est pour ça qu'on pense qu'on est dans l'intellect, qu'on met des formes, on donne des formes, qu'on anthropomorphise l'énergie, entre autres. Alors que, bon, c'est une forme de cristallisation, si vous voulez. Puis après l'adolescence, ces formes se sont pixelisées avant de disparaître. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. L'illusion de la mise en scène derrière la réalité qui est écrite dans l'éther, le corps s'en souvient avant de connecter la conscience du mental supérieur. Oui, ça. Oui, oui, on est dans l'illusion psychologique. C'est ça le théâtre à mes yeux. Puis oui, il y a un auteur, si on peut dire, dans le sens écrit dans la lettre, ce qu'on parlait, l'auteur. Le corps s'en souvient avant de reconnecter la conscience du mental supérieur. Ça me fait penser les gens qui revoient toute leur vie à leur mort, ou quand ils passent près de la mort, je ne sais pas si vous. Mais oui, je trouve ça. Continuons de ne pas nous comprendre. Oh, s'il vous plaît, monsieur Trajan. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Trajan, qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous capable de respecter une décision? J'ai pendant un bout de temps, moi, je ne veux pas avoir affaire à vous. Parce que j'en ai pas la vibration. Expliquez-moi ce que vous faites ici. Pourquoi c'est tellement irrésistible? Vous voulez vous sentir vu, reconnu? Vos parents, vous sentiez qu'ils vous voyaient pas quand vous étiez enfant? Moi, je ne suis pas un psychologue. D'accord? Puis aussi, quand je prends la décision, je veux un bout de temps parce que ça m'agace, puis que je suis fatigué, puis que j'ai plus de la patience. Je suis fatigué au sens, pas au sens fatigue habituelle, mais au sens vibratoire. C'est à prendre au sérieux, d'accord? Donc, allez essayer d'intégrer ça, s'il vous plaît. Merci. Désolé, mais le luciférien... C'est la porte magistrale pour entrer dans le satanisme et toutes les planètes tombées à pieds joints là-dedans. Je dirais que c'est, en fait, c'est, vous savez, le satanisme, c'est planétaire. Le luciférien, c'est presque, on pourrait dire, extraplanétaire. Le prince de la Terre, là, on peut parler d'un principe comme le satanisme. Mais le luciférien, là, on est dans le détournement d'un principe cosmique, donc on pourrait quasiment parler de force extraterrestre, là, le luciférien. Donc, je vois ça un petit peu à l'envers de vous. Là. Quand vous dites le luciférien, c'est la porte magistrale pour entrer dans le satanisme. Je vois ça parce que prenez, moi, à mes yeux, les vieilles formes d'animisme, étant donné qu'il y avait une soumission à des entités liées à la nature, puis des choses comme ça, à mes yeux, c'est une forme de satanisme. D'ailleurs, qu'on représente souvent par des choses qui rappellent pas. Le luciférisme, là, il y a une intégration au niveau d'une science. C'est-à-dire, il va y avoir une science de la domination d'autrui, comme la finance. Ces choses-là, par exemple, là, c'est une coche au-dessus. C'est une coche au-dessus. Il y a une sortie de la pensée magique planétaire pour entrer dans... Donc, je vois ça à l'envers de vous. Donc, ici, c'est gratuit. C'est un partage avec monsieur et madame, tout le monde. Et j'apprécie car j'ai du mal avec les vendeurs de... Bon. Ben, moi, je peux comprendre de... Je peux comprendre ce que vous voulez dire. Dans le sens que moi aussi, j'ai de la misère. Donc, t'as quel âge et c'est quoi? Je suis tout le temps en train de me faire poser les mêmes questions. Tout le temps. T'as quel âge, c'est quoi ton blog? Donc, je trouve que tu sais trop de choses sur trop de sujets. Et t'es apparu comme ça, je me pose des questions. Se faut-tu 10 ans? Moi, là, je suis dans ce milieu-là. Là. Le supramental, je suis quasiment né dedans. La mère de mon père et mon père, les deux. J'ai une jeunesse du réel ici, là, elle a été achetée par mon père. Puis j'en avais une autre de ma grand-mère que j'ai pu, mais je suis quasiment né dedans, là. Je suis apparu nulle part. C'est pas parce que tu viens de me trouver et que je viens d'apparaître. Yeah, là, quel âge que je n'ai parlé en masse, puis c'est quoi mon background, je n'ai parlé pas mal, pas en masse, mais je n'ai parlé pas mal. Puis à un moment donné, là, c'est pas people, les sites, là. C'est pas comme si j'étais VJ dans un poste de musique, là. J'ai pas envie. Ça m'est déjà arrivé de voir, c'est comme... Vous voyez, là, je viens de revenir, puis je viens de me voir aller. Là, je trouve ça drôle. Ça m'est déjà arrivé de voir si comme il y a une présence de quelqu'un à côté de moi. Ça veut dire quoi? Ça dépend. C'est du cas par cas. Mais il faudrait sortir de l'idée ça veut dire quoi, puis d'entrer dans de quoi, c'est quoi? Carrément. C'est quoi ce phénomène-là? Plus que ça veut dire quoi? Parce que si vous êtes encore dans la recherche du sens, vous allez être mis en expérience pour vous rendre compte que les choses n'ont pas un sens, mais une nature. Donc, c'est quoi la nature du phénomène? C'est quoi la nature réelle du phénomène? Puis, je ne peux pas vous répondre. Ça dépend. C'est du cas par cas. Mais ça arrive à tout le monde, ça. À un moment donné, on peut... Vous savez, ça peut même être lié possiblement au cerveau. À des choses dans le cerveau. Donc, ça fait combien de temps? Je vais... arrêter bientôt, parce que là, je remarque que c'est juste pour 300 secondes, quand je ferme quelqu'un, ah ben, c'est pas assez. C'est bien mal fait, YouTube. Bertol ne débarque pas de nulle part, ça fait bien longtemps qu'il parle. Par contre, oui, effectivement, on est pris ça. Bon, ben, merci à vous. Vous êtes encore là, vous? Hey, là, vous voyez, vous n'avez pas de respect. C'est comme si vous vous imposiez à une table chez le voisin alors que vous n'êtes pas invité. Monsieur Léon XIV, vous êtes quelqu'un de mal élevé, puis vous manquez de respect. Je vous suggère, puis en plus, je ne l'aime même pas, lui, mais allez donc écouter le Doc Mayo sur ce qu'il dit par rapport à du monde comme vous. Bloqué temporairement. Comment je fais pour bloquer? Moi, vous êtes donc bien dur de compreneur. Ça devient, Chris, heureusement que t'es pas là en personne. Asti que j'endurerai pas ça. Toi, je vais m'arranger pour te bloquer pour une fois pour toutes. Là. Ça va faire. T'es pas capable de comprendre que t'es pas le bien. Si vous êtes assis à une table chez des gens que vous vous êtes invité, puis vous mettez tout le monde mal à l'aise, puis là, tout d'un coup, le maître de maison se lève et dit « Vous n'êtes pas le bienvenu, puis je veux que vous partiez, je vous demande de quitter, vous restez là. » Puis vous continuez à haranguer tout le monde. OK, mais allez lire ce qu'il dit pour le fun. Ah, je l'ai supprimé. Bon, je ne l'ai même pas lu, ça. Putain. À un moment donné, là, vous êtes mal élevé, vous ne respectez pas ce qu'on vous dit. J'ai pas. Moi, je ne suis pas là pour que n'importe qui, n'importe quand, là, vienne faire du troll sans s'en rendre compte. Là. Ils viennent faire le troll. Si là, vous êtes dans la lumière de la vérité, là, ben vous êtes sauvés. Puis allez là où on vous réclame, je veux dire, ça, vous avez donc bien pas d'intuition. C'est quoi tu veux, toi? Il y a du monde de même, on dirait ça lui prend une claque sur la gueule. Ben, tu vas l'avoir dans le sens que je pense que ça va arriver au niveau du vécu. Ça ne peut pas faire autrement. Puis nous vivons des moments sombres et durs. Il y a beaucoup de gens qui vont se draper dans leurs illusions. Mais c'est pas une raison de venir me faire chier, là. Parce que ça ne marchera pas. Je vais me tanner. Puis s'il faut que j'engage du monde pour faire de la modération, là, ben je vais le faire. Dans le sens que je les paierai s'il faut. SG. Je lui demande son background et son âge. Point, je ne connais pas. C'est juste une question. Ben non, ça, je n'ai pas dit que vous veniez me troller, vous. Mais c'est des choses que je suis tanné de répondre. Je trouve ça un peu futile. C'est pas vraiment important. Ce qui est important, là, c'est le propos. Vous, le messager, là, l'habillement, puis le prénom du livreur FedEx, c'est très important pour vous. Ce qui est important, c'est de quoi il est question, de quoi on parle. C'est sûr qu'à un moment donné, là, je trouve le monde un peu superficiel. C'est drôle, moi, quand les premières fois que j'ai écouté Kemp ou Bernard, je me demandais pas quel âge qu'il avait au moment où il parlait. J'écoutais, je regardais ce qui était dit, puis comment ça résonnait, puis ce que je voyais là-dedans. Je m'en foutais d'eux autres. Vraiment, là. En tout cas, mais j'ai donné une mauvaise définition de mentisme par un. Phosphénisme en mettant une légère pression sur les paupières fermées. On peut voir des formes géométriques. Ben oui, tous les enfants s'amusent à faire ça quand ils s'endorment pas. Je veux dire, oui, mais ça reste que, bon, le cerveau, il filtre de l'énergie. Donc, quand vous faites ça, ça crée une pression au niveau de votre nerf optique. Puis, qui s'amuse à supprimer les commentaires. Oh. Ben moi, j'ai pas supprimé rien de vous. Là. J'ai supprimé à date Léon 14 puis Monsieur Trajan qui est venu sur un autre nom. Que d'ailleurs, le supramental, c'est pas de la philosophie. Fait que Platon moderne à mes yeux, là, c'est vraiment de la. C'est un bien mauvais déguisement pour Mérisse. Just the true. Ah cool, merci. C'était une question de même. OK. Mais vous, j'ai pas supprimé personne d'autre que. Comment il s'appelle? Léon XIV. Faut le faire, faut se donner un nom. En tout cas, je veux dire, l'orgueil spirituel, même au niveau de la forme, on voit la. C'est fort. C'est très, très fort. C'est quoi l'autre, là? Qui donne? Donc, j'ai coupé. Je m'en souviens plus. Ah, oh, monsieur Trajan. Pas de souci, OK, c'est correct. La santé de l'esprit. ben, vous mettez un point d'interrogation. L'esprit, ça n'a pas rapport avec la santé ou pas de santé. Soit vous êtes en contact avec, soit vous n'êtes pas en contact, puis même là, ça peut être intermittent. Mais l'esprit en lui-même, lui, il n'a pas de santé. C'est une notion qui est liée au vital, à l'émotionnel, puis mais c'est pas lié à l'esprit en tant que principe, source d'intelligence objective. L'esprit n'a pas le choix d'être en santé, il est en dehors. Donc, idéalement, ce serait mieux de partager gratuitement sur une autre chaîne YouTube uniquement avec des gens qui ont une base en conscience supramentale. Oui, possiblement. Mais vous savez, j'ai été occupé à toutes sortes de choses. Puis, finalement, j'ai pas pu créer de structure pour filtrer. Puis aussi, d'une certaine façon, il faudrait vraiment que ce soit une affaire de programmation, dans le sens que les gens qui sont marqués pour ça, puis au niveau vibratoire, parce que comme je vous disais, il y en a, ils sont attirés par l'énergie, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comme là, Léon là, est encore là. Moi, je ne vois pas ce qui est écrit, parce que je lis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Quand tu n'es pas le bienvenu là, chez quelqu'un, tu ne t'imposes pas. Il y a un manque de savoir-vivre. Je veux dire, c'est pas fort, là. C'est là, je vous le dis, ça ne donne pas grand-chose faire le chapelet, là, à part évacuer de l'angoisse. Là, par, c'est comme des mantras, c'est répétitif. Puis, parce que si la personne n'est même pas capable de ce respect-là, de dire, OK, je vais lui donner un break, puis je vais le laisser tranquille, puis je vais pas... Non, elle s'impose. Elle s'impose, la personne. C'est de l'inconscience, c'est du non-ajustement, c'est mal élevé, c'est un manque de savoir-vivre. Il y a un problème. Puis, avec du monde de même, c'est ajusté de se mettre en colère. C'est comme un vendeur de balayeuse, là, vous lui dites, je suis pas intéressé, puis il reste dans votre salon, puis il insulte. À un moment donné, tu ramasses sa balayeuse, puis tu galisse ça dehors, puis tu vas rejoindre tes affaires, sinon c'est d'où qui va suivre. Puis s'il est bien gros et grand, là, tu y sors une carabine, ou bien tu dis, là, si tu t'en vas pas, j'appelle la police. C'est aussi simple que ça, là. S'il est trop gros pour être sorti, genre qu'il faudrait faire deux voyages, ben, tu trouves une autre façon. Parce que c'est pas vrai, ça, qu'on va se laisser runner. Tu sais, à un moment donné, là, ça n'a pas de sens. Je l'aime pas, lui. Je ne sais pas de qui vous parlez, là, mais moi, si j'ai un problème, c'est que j'aime tout le monde. C'est une femme, je crois. C'est possible. Ça expliquerait certaines affaires au niveau de l'énergie. C'est bien possible. Mais c'est pas moi qui vais aller vérifier, je m'en fous. Premièrement, pourquoi pas prendre, je sais-tu, j'aurais pu prendre un autre nom, là. La papesse Jeanne. Non, vous savez, là, ça change rien. Mais oui, je vais finir par considérer ce que le docteur Maillot dit, que dans les sociétés francophones, entre autres, la mère n'a pas été valorisée beaucoup et les petites filles n'ont pas de modèle. Puis ça vient engendrer du monde mal élevé, qui a un manque de savoir-vivre. J'ai été beaucoup d'hommes grossiers, mais impolis, mais il y a des femmes, là, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Moi, vous savez, j'aime pas ça me faire tutoyer dans des commerces. Là. Fait qu'imaginez là, comment... Mais c'est souvent des dames qui sont portées à me tutoyer alors que je les connais pas. Moi, j'ai été élevé d'une façon un petit peu rigide à ce niveau-là. Puis, mais c'est une affaire de vibration aussi. Comme, mais non, j'ai bien de la misère. Bonjour Berthold. Au moment de la mort, s'il y a le moindre début de conscientisation, qu'advient-il? Ben, c'est simplement, si c'est un début de conscientisation, il semblerait que ça va influer la façon dont ça va être enregistré. Ou il va y avoir un transfert de l'énergie sur les plans. Ça va influencer, ça va diriger l'énergie à autrement. Mais c'est une question de loi fréquentielle, semble-t-il. Si vous voulez bloquer une personne, tapez sur son pseudo et vous pouvez bloquer. C'est ce que je fais, mais ça dure 300 secondes. Alors, je les vois passer, les messages, mais il est bloqué. Ça dure 300 secondes. C'est tout. on vous met face à des idioties que vous dites et vous vous échappez. C'est plus facile que de regarder, de voir qu'on dit de la merde. Comme vous voyez, M. Trajan, lui, il a passé ses 300 secondes, donc il est revenu. Il comprend pas, j'ai dit, gars, c'est pas ça, tu comprends pas ce que je dis. Mais lui, c'est un Européen qui est beaucoup dans l'intellect. Il y a beaucoup de gens, justement, là. C'est pour ça qu'au Québec, le supramental, il y a une facilité. Alors que c'est difficile, c'est plus difficile les Européens. J'en connais, là, des Européens qui intègrent. Mais c'est pas pareil. C'est pas plus dur parce que, justement, c'est pas pour rien, là, qu'il a pris comme Platon. Moi, je vais leur bloquer. C'est un nom encore, là. On en fait quelqu'un de mal élevé. Ben, d'ailleurs, ça explique. Comme je dis, là, c'est d'être vu à tout prix par moi. C'est quoi l'obsession de venir m'achaler? Puis d'être tout le temps ici. Quand je dis, t'es pas le bienvenu, là. Laisse-moi la paix un bout de temps. Mais non, c'est de s'imposer. Puis je dis, c'est quoi, tu t'es pas senti vu par tes parents? Ben, il y a un parallèle à faire avec le fait d'être un petit peu mal élevé, manquer de savoir-vivre. Donc, il faut le bloquer, mais ça dure juste 300 secondes. Donc, bloqué. Et voilà. Moi, là, je suis pas là pour... Je suis pas là pour vous aimer, là, dans le sens, là, vous voulez vous sentir vu, vous voulez vous sentir reconnu. Je suis pas là pour ça. Puis le réel n'est pas là pour ça non plus, dans le sens qu'en agissant comme ça, vous allez vous mettre en initiation, c'est-à-dire que vous allez vivre des expériences extrêmement déplaisantes et souffrantes, parce que ce que vous n'êtes pas capable d'intégrer au niveau là, de l'intégration, dans le sens comme on le parle, là, comme on y en date, vous allez l'intégrer expérimentalement. Puis c'est-à-dire, il y en a, ils vont... Si vous agissez comme ça dans la vie de tous les jours, là, c'est sur Internet, mais à un moment donné, là, il y en a, ils vont tirer les couettes, se mettre en colère pour sortir les parasites. Oui, ben ça revient au même. Ça revient au même. Moi, quand je vois que quelqu'un n'est pas réceptif, je ne vais pas vers lui, là, je ne l'achale pas. Pourquoi ne passes-tu pas par-dessus tout simplement de ce qui te paraît futile sans y porter d'attention, car à chaque fois que tu coupes ta vibration, l'échange devient plate? Ben, c'est que il reste que j'ai tout le temps, j'ai une espèce de naïveté, dans le sens que j'ai tout le temps espoir que la personne va finir par comprendre ce que je veux dire, puis qu'elle va intégrer au niveau de son individualité, c'est-à-dire qu'elle va se retirer par elle-même. Puis se rendre compte, oui, c'est vrai, ça n'a pas de sens, puis je perds mon temps. Puis là, il y a peut-être une possibilité d'intégration pour elle. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais écrit. Mais à date, là, il y en a juste, à part, si je rajoute Léon XIV, là, sur plus de 700 personnes, il y en a juste 4. Puis même là, c'est pas tous qui reviennent comme ça. Il y en a, je ne les revois plus jamais. Mais il y en a d'autres, c'est une espèce de... Tu sais, coucou, je suis là, fatigant, là, quelqu'un qui vous harcèle, si on peut dire. Parce que là, quand on dit souvent comme ça, on le répète, on dit, gars, je veux que tu me laisses tranquille, je ne veux plus te voir ici. Puis la personne insiste. Donc, c'est assez rare, mais c'est parce que, bon, dans l'affaire du monde, il y a certains sont blessés. Au niveau de leur orgueil, ils sont blessés au niveau de leur ego, puis ils essayent de revenir, c'est d'être vu, hein? c'est là, l'ego, là, il veut se valoriser, puis c'est pour ça, ça aboutit à des comportements comme ça, puis je suis dans ce milieu-là, je suis un de ceux qui est le plus sec, qui est le plus raide. Donc, quand il y a un écho qui est blessé par moi, il est blessé. Pour vrai, là, je veux dire. Tandis que si vous prenez quelqu'un comme Charles Sabourin, lui, il l'aurait ignoré, puis il se contenterait de ne pas y répondre. Il aurait pas donné des chances, il n'aurait pas donné d'avertissement. Il l'aurait ignoré total. Mais, vous savez, j'ai tout le temps l'espoir, mais en même temps, j'ai cette espèce de... Vu que je suis un petit peu indulgent, bon, après, quand que c'est une vraie infestation, je suis pris pour passer le lance-flamme. Ça devient tannant, c'est sûr, c'est déplaisant. Donc, oui, je le sais que c'est plate. À un moment donné, là, on créera une structure là, qui filtre mieux. Je vous le promets. Il y en a qui sont. Mais peut-être qu'il y en a de ces gens-là qui vont avoir intégré d'ici là puis qui vont pouvoir venir. Mais lui, je pense que non. Il n'y a rien à faire, là. C'est une vibration de. Tu sais, là, il y a des Français là, qui fumeurs de beuh qui tripent sur des affaires comme du reggae, puis des affaires américaines. Puis... J'aime pas la vibration. Je le dis souvent, je dis, j'aime pas ta vibration. Puis t'es pas capable, t'es trop dans l'intellect. Tu réfléchis trop. Il est trop dans la forme. Fait qu'il faut des contradictions, c'est sûr. Il va pas voir au-delà de la forme de ce que je dis. Y a pas de sensibilité vibratoire sans passer à travers la forme. Ça fait un ego opaque. En tout cas, de toute façon, plus j'empire les choses en parlant, en donnant de la. Il y en a qui sont pas capables d'être, de s'ajuster aux autres. On dirait que certains ont une maladie mentale pour être aussi insistants, pour être dans l'ego aussi persistant à s'imposer. Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que ces milieux-là, puis les sujets dont je parle, ça attire des malades mentaux, entre autres, des névrosés aussi. C'est des sujets qui sont liés entre autres aux angoisses. Puis... Parce que quand on parle de sujets qui sont entre autres liés là où il y a ce qu'on pourrait dire, la croyance peut embarquer pour colmater les vides, puis des choses comme ça joue avec les angoisses. Entre autres, puis ça va attirer des gens qui ont un vide, entre autres, ou qui sont souvent des malades mentaux, qui ont des obsessions qui sont irrationnelles, mais pas au sens du ratio de la mesure, mais irrationnelles au sens carrément, ils ne sont pas lucides, mais pas de part, même pas de lucidité de part. Là, je ne dis pas que c'est le cas de tous les gens que je parle, là. Il y a eu un cas de même à date, là, que c'est une dame, là, qu'elle, c'était une malade mentale, tant qu'à moi, puis je l'ai coupée presque immédiatement, là, il n'y a même pas eu d'avertissement. Mais ça attire des gens qui ont des problèmes. C'est pour ça que Bernard de Montréal, entre autres, s'il y a eu certains suicides ou des problèmes autour, c'est entre autres parce qu'il y a des gens qui sont arrivés qui avaient déjà des problèmes au niveau de leur personnalité. Pas capable de faire la différence entre autres entre la personnalité puis la personne ou entre l'ego puis la pollution dans l'ego. On a donc affaire à des gens qui s'identifient à leurs pensées. Ça a des égos blessés, puis c'est dangereux. Ils sont dangereux, mais à un moment donné, de plus en plus, je le sens d'avance. Mais j'ai tout le temps un espoir, comme je vous dis, j'ai une certaine naïveté, j'ai tout le temps un espoir que oh, ben, la personne. Mais non, la seule affaire, c'est la personne, faut qu'elle accepte de me laisser tranquille, puis d'aller faire ses affaires de son bord, puis de ne pas s'occuper de moi. Parce que je lui demande, faut que la personne ait au moins ce respect-là. Moi, je ne cours pas après les gens. C'est les gens qui viennent vers moi. Si je dis non, faut que la personne ait ce respect-là. Puis il y en a, ils sont mal élevés dans le sens qu'ils ne se sont pas sentis vus de leurs parents ou il y a eu un trouble au niveau dans l'enfance à un moment donné, ils se sont pas sentis aimés. Puis ils veulent être vus à tout prix par moi, ils veulent être reconnus à tout prix par moi ou se sont sentis blessés par moi, puis ils veulent obtenir une réparation. Puis c'est toutes des attitudes psychologiques qui les amènent puis qui fait qu'ils insistent. À un moment donné, il faut que la personne elle a la mature, puis ça va se faire par de l'expérimental de son côté. Ça ne se fera pas en insistant. Parce que moi, je ne change pas d'idée. Je suis pas du genre à changer d'idée. Quand je me. Puis ça va juste empirer les choses dans le genre que je vais finir par me tanner. Puis prendre des mesures pour que la personne ne puisse plus. Là. Je vais être de moins en moins accessible. Puis. Aujourd'hui, puis ça me fait perdre mon temps. Oui, ça devient plate, je peux comprendre. Aujourd'hui, on peut voir des jeunes collégiens insulter grossièrement un adulte, puis nier l'avoir fait dans les 5 secondes qui suivent sans sourciller. C'est étonnant. Oui, bien souvent, ils ne sont pas toujours conscients qu'ils ont insulté. Donc là, ils vont nier. C'est aussi fou que ça. Je suis la seule à vous voyez, mes chefs, et tout le monde se moque de moi à cause de ça. Voilà. Ça en est des influences sociales qui font baisser le niveau, si on peut dire. Mais si vous tenez tête, puis que vous allez peut-être être vu comme rigide un peu, mais les gens vont finir par avoir un certain respect pour vous. Il y a un YouTuber en France qui a trouvé une bonne idée pour poser des commentaires. Il faut soit être un de ses membres, soit faire un don de 2 euros pour pouvoir écrire des commentaires. Ouais, mais vous savez, moi, j'aime pas, ben ça. Demander des dons. Vous voyez, là, comme là, Monsieur Trajan a encore publié de quoi, mais il est bloqué. Donc, je le vois, peut-être que vous le voyez pas, mais je vois pas son commentaire. Je vois juste, c'est écrit « Platon moderne a été suspendu par Berthold pendant 300 secondes. » Je suis Modo et je sais qu'on peut bloquer une personne. Vous avez choisi de le bloquer 300 secondes. Regarde, plus vous pouvez bloquer, plus complètement. Ah bon. Ah. D'accord, je vais suivre votre conseil. Vous savez, je ne suis pas très technique. Masquer l'utilisateur, bloquer temporairement. Est-ce que je vais à masquer l'utilisateur ou ajouter en tant que... Je pense, parce que là, ça dit pas complet. Je vais cocher ça, là. Platon moderne est désormais modérateur de foutre. OK. Non, il y a de quoi qui marche pas, là. Je viens de le mettre modérateur. OK, là, il n'est plus modérateur de votre chaîne. Je l'avais mis modérateur. Masquer l'utilisateur. Les messages de cet utilisateur seront masqués. Imaginez, là, je l'avais mis. Vous voyez comment je suis bon technicien. Je l'avais mis modérateur. Combien respect de l'autre? Moi, hein. Ils sont convaincus d'avoir raison. Ben oui, c'est ça l'intellect. Tandis qu'à un moment donné, on s'en fout d'avoir raison ou pas avoir raison. Ça devient point important. C'est une sorte de game. Tout ce qui est l'aspect social, donner une valeur psychologique au fort. Il y a peut-être des substances qui amplifient leur frustration. Mais moi, je trouve qu'il y a une vibration de cannabis, lui. Il y a une frustration des hippies qui fument de la drogue. Je trouve ça, puis je le connais pas, là, mais j'ai ce sentiment-là. Puis je suis pas capable. J'haïs ça. Ça m'écœure, ça m'énerve, ça me choque, ça me fait chier. Mais tu sais, je veux dire, il y en a des poteux, là, des stoners qui sont pas trop pires, mais eux autres, il y en a que c'est vraiment de la merde, de l'astral. Ils sont pas capables de sortir de l'intellect. Ils se pensent créatifs. Ils se prennent pour des... En tout cas, il faut que j'arrête. Là, de... OK, je sais la différence. Ah, je suis pas sûr. Si presque à chaque nuit, on est attaqué par l'astral, par des rêves très perturbants, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas intégré des choses? Oui, il y a des conflits. Mais c'est déjà, vous savez, les pires conflits, vous y rêverez même pas, puis ça va rester inconscient. Sauf que vous allez ressentir un mal-être, alors que là, il y a des rêves. Il y a aussi peut-être pour vous faire tester des choses. Donc... ça veut vous tester, si vous voulez, peut-être. Mais aussi, possiblement, se passer du cas par cas, il faut savoir c'est quoi, dans le fond, vos rêves. Donc, il y en a qui sont perturbés par des choses plus que d'autres. Là. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle « L'enfant miroir ». Dedans, à un moment donné, il y a un redneck, là, un fermier, qui devient fou, puis il prend du monde en otage avec un fusil parce qu'il a rêvé qu'il avait des relations sexuelles avec sa chèvre et qu'il était heureux. Ça, c'est dommage parce que ça montre que la personne, elle comprend pas que c'est pas réel puis qu'il y a un jeu pour la détruire, si vous voulez. Là. C'en est une attaque de l'astral, ça. Il faut pas s'identifier aux formes. Donc, le rêve va être perturbant si vous vous identifiez à votre rêve. Bon. Bonjour, vous avez de belles dents. C'est-tu de l'ironie? C'est moins pire que c'était, mais ça a coûté cher. Vous avez la vibration... Peut-être vous leur dire que j'ai les dents pointues et longues. Vous avez la vibration d'être BDM à votre propre identité. C'est normal que des gens traversés par des forces incontrôlables soient là aussi. Ben oui. Mais je pense pas avoir... Je veux dire, je le sais que j'ai un lien avec le supramental. C'est peut-être ça que vous identifiez comme la vibration de BDN. Mais je sais pas, la vibration de BDN. BDN dit parfois que la vie, c'est merdique. D'autres fois, il dit que la vie est parfaite parce que c'est les deux et que c'est la conscience qui ne parvient pas à s'ajuster à elle. Y a-t-il une contradiction ici? Non. Ben non. La vie, quand elle doit être merdique, elle devient merdique. Et ça, c'est parfait. Comme il y en a qui n'ont pas le choix d'intégrer par de l'expérimental. La vie devient merdique et c'est correct comme ça. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de contradiction. Au revoir, merci pour le partage. Ah bon, ben au revoir, Sylvie. OK, hop, ça marche. Vous voyez, là, ça fonctionne le... Ça fonctionne, là, le masquage de M. Trajan. Probablement, vous ne le voyez pas, je ne sais pas. Ouais, ben, j'ai réussi à Platon, a été bloqué. Bon. Vous, si vous manquez, ça veut dire on ne voit pas ses commentaires. Wow. Excellent, ton rire. Ben oui, j'ai trouvé ça. Ben voyons, il est revenu. En m'insultant en plus. Moi, je ne t'ai pas dit que tu fumais. Tu sais pas, je dis que je sens, je te connais pas, puis je sens que tu as la vibration de. Coudon, il a créé combien de comptes? Tu as un trouble de la personnalité, chose. Tu as un trouble de la personnalité. Tu as créé combien de comptes pour venir me fâcher? Tu es vraiment un troll. Tu es vraiment un troll. C'est pas de ma faute, là. Le vide, puis la sens à... le besoin irrésistible de venir me fâcher vient pas de toi, là. Mais c'est pas de ma faute non plus. Puis, si t'arrêtes pas, je vais nommer quelqu'un modérateur, puis je vais demander de que tu sois systématiquement masqué, tous tes comptes. Mais je t'ai pas dit que, j'étais sûr que tu fumais de la drogue, je dis que t'as cette vibration-là. T'as cette vibration-là. T'as une vibration d'une espèce de gratteau de guitare des années 70. J'aime pas ça. Puis je parle, ça veut pas dire que tu fais ça, là. Moi, je te dis, c'est la vibration que je ressens, mais j'aime pas ça, ça m'indispose. Puis moi, je commence à t'haïr, là. Puis je suis pas quelqu'un de haineux, là. Mais moi, Chris, t'es comme une mouche à marde qui me tourne autour de la tête. Qui est pas capable de comprendre quand je te dis, t'es pas le bienvenu, puis je veux pas te voir chez nous. Tu n'es pas supposé t'imposer à la table de tes voisins si tu n'es pas invité. Puis s'ils te spécifient, ben, si c'est une espèce de garden party où tout le voisinage est invité, si ton voisin te spécifie que toi spécifiquement, tu n'es pas le bienvenu, il faut que tu aies la maturité et la capacité de prendre sur toi et de t'en aller et de ne pas insister. Tes parents t'ont pas appris ça? T'es quelqu'un de mal élevé. C'est pour ça, c'est ça, dans le fond, la vibration que je dis de hippie. C'est, t'es quelqu'un qui a un trouble, à mes yeux, t'as un trouble de la personnalité parce que c'est pas normal d'être obsédé par moi de même. C'est pas normal de tout le temps être rendu ici et de pas me lâcher alors que je t'ai spécifié que ce que je dis, ça s'adresse pas à toi. Puis que les phénomènes dont je parle, t'as pas l'air de comprendre de quoi je parle. T'es trop enfermé dans la forme, t'es trop réflectif, t'es trop intellectuel. Puis le fait que tu reviens tout le temps comme une mouche à marde, c'est pour des raisons psychologiques. Tu fais ça pour des raisons psychologiques. Puis t'auras pas ce que tu veux. Parce que ce que je vois, ce sera jamais ce que toi, tu vois de toi. Parce que je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Va-t'en. Maudit fatigant. Je le sais que tu as été blessé. De la façon, les premiers échanges qu'on a eu à un moment donné, tu t'es senti blessé. Mais tu répareras pas ta blessure avec moi. Il faut que tu la répares avec toi. Il faut que tu développes une personnalité assez forte pour prendre sur toi puis passer au-dessus de ça. Parce que c'est pas normal que tu reviennes tout le temps. C'est pas normal que... Voyons, moi, quand quelqu'un il me dit de faire de l'art, je vais pas l'achaler, là. Je vais pas être obsédé puis tout le temps revenir. T'agis, c'est du stalking, là, quasiment, là. C'est fatigant. Je t'ai spécifié, je ne vais pas te voir. Je t'aime pas. J'aime pas ta vibration. J'aime pas ton apparence. Tu représentes une absence de valeur pour moi. Au niveau psychologique, tu es tout ce que j'haïs, ce que j'aime pas. Je viens d'un milieu un petit peu rigide, un petit peu dur. Puis, il y a quelque chose chez toi qui ne me revient pas, ta face ne me revient pas, tes propos ne me reviennent pas, puis je ne trouve rien d'intéressant. Dans le sens que j'ai l'impression, dès que j'ai un contact avec toi, j'ai l'impression de me faire crisser le faux au cul, puis je perds de l'énergie. J'ai rien qu'envie de te calisser dehors. Fait qu'arrête de venir me faire chier, Vincent. Quand je te dis non, ça veut dire non, tabarnak. Je sais pas c'est quoi le rapport que tu as avec les autres, mais c'est inquiétant. Si j'étais plus vieux, j'avais une fille, puis un gars comme toi qui tournerait autour, je me dirais pour moi, à un moment donné, elle va dire non. Puis il va y rentrer dedans pareil. Ce gars-là, il a pas de respect, il est mal élevé. T'es mal élevé, t'as pas de savoir-vivre, tu t'imposes. Même quand on te dit que t'es pas le bienvenu, tu t'imposes. Tu te magasines des tapes sur la gueule. Heureusement que c'est Internet. Chris va faire tes affaires sur ta chaîne à toi, va faire tes affaires avec ton monde à toi, mais viens pas me faire chier ici. Parce que Chris, ça fera pas. Tabarnak, s'il faut que je prenne les moyens pour avoir la paix avec toi, il m'en prendre. M'en m'arranger pour avoir ton adresse IP puis tout. M'engager un technicien, c'est tout ça que tu veux? Moi, je suis prêt à dépenser de l'argent pour me débarrasser de toi. Non seulement c'est gratis ce que je fais, mais si ça continue, toi, tu vas me faire dépenser. Asti de côté du tabarnak de Asti de Chris. Calisse-moi patience parce que ça ne marchera pas. Asti de Saint-Chris, il y en a, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Chris, je te l'ai dit, tu n'es pas chez vous ici. Je t'ai dit que tu n'es pas le bienvenu. Je te l'ai dit spécifiquement plusieurs fois. Je ne veux pas t'avoir à ma table puis tu t'imposes. Tu t'arranges, on dirait que tu veux te faire insulter. Puis ça ne me tente pas de t'insulter. T'es supposé t'arranger par toi-même avec ça. J'ai pas rapport avec toi. J'ai rien à t'apporter. Ça te donnera rien. Tu nous fais perdre notre temps. Puis je te l'ai écrit que tu me faisais perdre mon temps. Puis tu te dis, tu dois perdre beaucoup de temps à dire au monde. Il n'y a rien qu'à toi que j'ai dû écrire ça. T'es tout seul qui m'écœure de même. J'aime pas ton hostie d'allure de pouilleux tabarnak, hostie. J'aime pas ta vibration, puis j'aime pas ton propos. T'es dans de l'hostie de philosophie. Puis c'est pas de ça que je parle, tabarnak. Si je faisais, si j'avais une chaîne sur le maquillage, puis quelqu'un viendrait me parler de chien écrasé, j'y dirais t'es hors contexte, puis je le couperais. C'est juste normal. Y a rien que toi qui comprends pas. Fait que là, Vincent, regarde là, moi je t'aime pas. Je t'aime pas, j'aime pas ta personnalité, j'aime pas ta vibration. J'aime pas, il n'y a rien de toi que j'apprécie. Tu me lèves le cœur, tu m'écœures, tu me crées un sentiment profond d'aversion. Tu n'es pas capable de comprendre ça, tu n'es pas capable de respecter ça. Justement parce que peut-être que j'appréhende au niveau de ma sensibilité vibratoire que tu es comme ça. Fait que là, tu vas me crier ça à paix. Sinon, je te le dis, je vais m'arranger pour l'avoir. Comme j'ai tout le temps fait. Quand je ne suis pas capable d'avoir la paix avec quelqu'un, je m'arrange pour l'avoir. Bon. C'est une dédicace. C'est incroyable parce que c'est comme un traitement personnalisé, personnel, que je mets de l'énergie à faire pour quelqu'un qui... ça ne donne rien. Je voulais dire masqué, désolé. On a bien ri en tout cas. Ouais. J'ai moins envie de rire. Là. Je t'avais de lâcher là, parce qu'il va falloir que j'aille dîner. L'exagération dans quelques domaines que ce soit n'est jamais un très bon signe de santé mentale. Et voilà. Ouais, mais là, je peux avoir l'air d'avoir été un petit peu intense, là, mais. Hey. C'est comme avoir. Non, moi, le monde qui s'impose, là. Surtout quand que, bon. Qu'est-ce que tu penses de loi sur les mesures d'urgence au Canada? Jusqu'où ça va mener? Ça va mener à la chute de Trudeau, mais ça va créer du dommage pareil. Je pense que le NPD va voter pour. Je pense que ça va passer. De toute façon, c'est clairement une sorte de subterfuge pour agir d'une façon que, au niveau constitutionnel, ils ne peuvent pas le faire autrement. Donc, ça prend cette loi-là qui a des passe-droits dedans. C'est l'ancienne loi sur les mesures de guerre. Donc, lorsque j'ai commencé à entrevoir le réel, notamment le réel planétaire, je suis entré dans une grande souffrance. À choisir, j'aurais préféré rester bien endormi. Là est le problème avec le supramental. Vous savez, il est là l'affaire, c'est que c'est pas un choix. D'ailleurs, ça fait partie d'une des choses intégrées, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens où on l'entend psychologiquement. Si vous vous êtes mis à intégrer et que vous êtes entré en contact avec ça, c'est parce que d'une certaine façon, vous êtes marqué pour. Il y a des gens, des fois, qui sont pas marqués pour, puis ils comprennent pas. Puis c'est du monde, comme certaines personnes, que eux autres, c'est du parasitage. Mais si vous me dites que je suis entré dans une grande souffrance, à choisir, j'aurais préféré rester endormi, c'est parce que vous avez réellement intégré. Oui, j'entends ça souvent. Il y a du monde qui ont plusieurs comptes et ils trollent. Ouais, je le sais. Je viens de faire un signalement motif harcèlement. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ben oui, c'était. Il avait changé son nom pour Platon moderne. Puis, encore là, il ne faut pas être achalé. Hein. Prendre des noms comme l'autre, le Léon XIV, c'est comme un nom de pape. Puis, ben, si tu arrêtais à Léon XIII pour ta notion. Ah, c'est le nouveau Léon. Puis l'autre, là, Platon moderne. Vous voyez comme ces gens-là sont grandiloquents et imbus d'eux-mêmes, dans le fond. C'est comme. Je trouve ça assez ridicule, Platon moderne. Au niveau des philosophies classiques, en tout cas. Quand vous dites que des rêves perturbants peuvent être des tests, quels seraient ces tests? Avez-vous des exemples? Ben, c'est que c'est pour que l'ego se voie lui-même. Vous pouvez rêver que vous êtes violent avec des gens avec qui vous ne seriez jamais violent. Mais c'est pour que l'ego se voie lui-même, dans le sens que le test est toujours pour l'ego. Hein. Ça veut dire que vous avez qu'il y a une forme d'agressivité que vous ne laissez pas aller quelque part. Mais si c'est vraiment des attaques psychiques, vous allez rêver à des choses contre nature qui n'ont aucun sens. Puis ça, le but, c'est de vous déstabiliser. Mais il reste que même en vous déstabilisant, vous pouvez apprendre à vous stabiliser par vous-même, au lieu que ce soit par les circonstances. Donc, des exemples. Je ne sais pas, moi, dernièrement, j'ai rêvé que deux personnes que ça fait très longtemps que je n'ai pas vues, puis pour qui je n'ai pas vraiment beaucoup d'estime, étaient venues chez moi pour faire du ménage. Puis j'ai trouvé le rêve perturbant parce que ça n'avait aucun sens. Ils étaient venus m'aider à faire du ménage. Puis on parle d'une jeune fille que j'ai connue qui avait un déficit là, au niveau intellectuel, puis d'un jeune homme que j'ai connu qui est aujourd'hui une espèce d'obèse morbide. Puis, la nuit d'après, j'ai demandé, je disais, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai rêvé à ça? Tu sais, j'ai gossé un bout de temps, insisté, je veux savoir c'est quoi ça. Parce que je trouvais le rêve déstabilisant. Ça peut sembler rien là, pour vous autres, là, de ce que je dis là, mais moi, pour moi, de rêver à ça, c'était stupide. Puis ça, à ce temps, j'ai la couenne sensible. Par rapport au phénomène interne, ça ne m'en prend pas grand-chose pour me mettre en colère. Puis je demandais, je veux savoir c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi que l'intelligence au-delà de la forme veut exprimer par ça? Parce que c'est con. Pourquoi ces deux personnes-là, dans le rêve, sont des amis proches et viennent m'aider à faire du ménage? Puis là, tout d'un coup, j'ai vu tout de suite que ça représentait, c'est venu d'un coup comme un flash, que ça représentait des forces non intellectuelles qui venaient épurer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dehors de mon intellect puis de mon intelligence consciente. Qui venait faire un ménage. Ça a l'air niaiseux, mais il reste pour moi, c'est une sorte de test. Ça. Mais ça, c'est l'exemple qui me vient. Là. Mais ça peut, si vous êtes à d'autres niveaux, ça peut vous faire rêver à des choses traumatisantes, comme par exemple que, je ne sais pas, moi, que par accident, vous tuez un bébé. Puis dans le rêve, vous, au lieu de. va vous le cacher, par exemple. Ça veut dire que vous avez, au niveau de votre personnalité, il y a de la pollution par rapport à ce que les Freudiens appelleraient le surmoi, mais par rapport à de la subjectivité, par rapport au collectif, vous ne vous faites pas confiance. Puis vous avez peur de vous-même, des choses comme ça, c'est ça, je veux dire, par des tests. Ça peut être juste pour vous déstabiliser aussi. Ça peut être vraiment des attaques. Il semblerait qu'il y a des intelligences sur certains plans qui n'aiment pas l'être humain puis qui aiment l'attaquer. Ça peut être ça, tout simplement. Là, c'est comme je disais, pour l'inondation d'une maison, il peut y avoir différentes causes possibles. Il a un sérieux problème, car oui. Ah oui. Mais oui, il faut avoir un trouble au niveau de la personnalité pour agir de même. Puis d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi aussi il n'y a pas moyen de... Ce que j'ai dit est toujours mal interprété. Absolument tout le temps. J'ai déjà vu ça avant. Habituellement, là, ça prend des années, puis des années. Ça, c'est si la personne n'est pas... Mais là, on a affaire à quelqu'un d'intelligent pourtant. Mais c'est de l'intelligence intellectuelle. Il n'y a pas de spontanéité automatique dans du réflexif total. Donc, qui en fasse des lives et qui répondent en temps réel. Moi, je n'irai pas voir. Là. Ça ne m'intéresse pas. Il est là pour vous pomper votre énergie. Ouais, mais il m'en donne. Vous n'avez pas remarqué ça. Je ne suis pas fatigué physiquement, là, mais il reste, ça me fatigue dans le sens que ça, je le trouve déplaisant. Ça, c'était un beau rire. Ah. Ouais. À la place d'être content d'être chez vous sur votre live, il vous pompe le... Ouf. Pas tant que ça. Oh, tu, vous savez, je peux être avoir l'air choqué puis me plaindre, puis dans le fond, c'est pas grand-chose, là. Vous savez, là. Il est là le problème, c'est pour ça que faudrait tellement... du monde, ils voudraient être aimés, puis c'est pas... ils vont être aimés ou pas, je m'en fous. C'est par à force de parler avec du monde, puis l'échange, puis tout, il y a quelque chose, il y a de l'intégration qui se fait, il y a un mouvement qui se crée, puis c'est dans ce dynamisme-là, moi, que j'ai un intérêt, pas psychologique d'être reconnu ou apprécié ou aimé ou vu. Des enfants... qui ont été insécures au niveau de l'amour de leurs parents, eux autres, ils vont vouloir être vus à tout prix. Là, il y a des blocages, là. Ça devient grave. Autre sujet, pensez-vous que les histoires de Georgia Guidestone, à savoir le plan de des populations orchestrées par les plus hauts, soit une affabulation, soit réelle. Bon, il y a des groupes philosophiques qui ont réellement cette pensée-là et ces intentions-là. Ça ne veut pas dire soit réel, ça veut dire qu'ils vont le faire pour vrai. Mais ça, il y a des imprévus, hein, vous savez. Mais au niveau philosophique, il y a des physiocrates qui sont des darwinistes, eugénistes, qui pensent réellement... comme ça, dans le sens que pour eux, c'est une sorte d'espèce de collapsologue. D'ailleurs, eux, ils ont pollué les gens avec de l'angoisse. Ce qu'on a appelé, ce qui est apparu finalement dans les dernières années, les collapsologues, que la Terre est surpeuplée, puis il y a une surpopulation. Ils ont engendré énormément d'angoisse, notamment chez des gens, comme j'expliquais, qu'il y a un trouble au niveau... de conflits dans l'enfance, qu'il y a eu une obsession, puis ils ne se sont pas sentis en sécurité à un moment donné. Donc, ce que moi, je m'en fous un peu. Dans le sens que, à mon niveau, à moi, mais je sais qu'il y a des groupes philosophiques qui ont... C'est une obsession amoureuse. Non, je ne pense pas. Oui, au niveau de l'amour, oui, dans le sens des liens avec les gens. Puis aussi l'autre en tant que représentation pour le rapport à soi, là, peut-être. Mais c'est surtout être aimé dans le sens l'enfant qui veut se sécuriser. Je le sens comme ça. Être vu à tout prix. Puis là, c'est pas vraiment intéressant là, comme sujet parce que j'ai pas envie de parler spécifiquement de... Ah, Virginie, il est branché, moi. Bon, ben moi... Je ne suis pas masochiste, en tout cas. Bravo, je remets les gens à leur place aussi. Il n'y a plus de place. Bon, j'essaie de ne pas faire exprès, là, vous savez. Les jurons québécois ont la sonorité d'un roulement de tambour. Oui, puis vous savez, ça vient de certaines régions, puis du vieux français. L'accent, la sonorité de l'accent québécois est très vieux, très ancien. Puis c'est comme début, milieu du 17e. 17e siècle au niveau de la prononciation. Si jamais vous écoutez certaines pièces de Molière, à un moment donné, ils ont refait le bourgeois gentilhomme avec l'accent du temps. Puis là, ah, mon sieur, cela vous sied à ravir. Puis l'accent québécois vient de là. Donc, c'est pas très. À notre époque, au niveau du français moderne, c'est pas très élégant. Mais. Il y a longtemps, c'était très élégant, ce roulement de Camille Théryé, on peut dire ça. Ah, oh, j'ai pas vu. Ah ouais. Salut à tous, lâche pas la patate. Moi, à un moment donné, c'est la patate qui va me lâcher si ça continue. Léon, peut-être l'est envoyé par le pape. Je pense pas qu'il aurait toléré qu'il prenne un nom comme ça. Peut-être envoyé par les mêmes forces qui nous ont envoyé le pape. Quand on meurt, on traverse les bardeaux. On est une mémoire morte, condamnée à parasiter les vivants. On disparaît, on renaît, ça dépend, parce qu'il y a une division. Faut pas oublier que l'être humain est multidimensionnel, puis que c'est sa mémoire expérimentale animique qui va dans l'astral. Sa force vitale, son esprit, tout ça retourne sur leur plan. Le vrai vous, là, celui de la source qui est complètement déformé par ce qu'on pourrait appeler la personnalité, puis par la lentille qui est l'ego, se retourne sur son plan aussi. Et l'esprit est éternel. Donc, pour ça, mon année, bon. J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi depuis l'intimidation de l'injection. J'ose même croire que l'injection rend les gens plus naïfs. C'est étrange, ça. Ben, il faut déjà, je pense plus que c'est comme la pouffe pis l'œuf, la pouffe pis la poule pis l'œuf. C'est comme la poule pis l'œuf dans le sens que faut pas mélanger cause et effet, comme effet puis cause, puis inverser ça dans le sens que il y a des gens que s'ils sont allés vers ça, c'est parce qu'ils étaient déjà naïfs à la base. Donc, par après, quand on le remarque, ils peuvent avoir l'air, on le remarque plus peut-être, je sais pas. Mais vraiment, bien franchement, ça, je sais pas. Mais c'est drôle, moi, j'ai perdu de personne. Même les gens qui se sont fait, ils continuent à me parler. Je n'ai pas de conflit. En tout cas, à part un cousin là, qui travaille dans les services sociaux, là, un CLSC, puis tout. Mais lui, il me parlait déjà pas avant tout ça. Un cousin psychologue que j'ai, il me parlait déjà plus. Il me traitait déjà comme si j'étais un fou. Donc, non, j'ai pas eu. Mais vous, si vous avez, il y a eu du vide autour de vous. Comment qu'il y en a qui disent ça, dont ceux qui partent font de l'espace pour ceux qui s'en viennent. Ça peut être comme ça aussi. Ça me fait mal en tête ce qui se passe à Ottawa. Ben, je l'avais dit dans une entrevue avec David que ça allait être une grosse déception puis que ça allait être dispersé par la force. Ça fait combien de temps ça? 2 semaines, cette entrevue-là. C'est pour ça que moi, ça me fait pas. J'ai pas eu de choc, là, puis mais c'est la même douleur habituelle de voir que à quel point les gens sont dénigrés, puis malmenés, puis manipulés, ça oui. Puis de voir qu'après, on manipule des gens pour les peinturer dans le coin, puis après aller le taper dessus. Moi aussi, j'aime pas ça, mais bon. Je le savais que ça ferait ça, là. Je fais mon deuil à mesure, comme d'habitude. Une personne qui cherche à évoluer en conscience et à comprendre le supramental à un moment donné, il doit arrêter de comprendre. Et c'est là que l'initiation solaire commence. Elle a déjà commencé. À un moment donné, c'est plus de comprendre, c'est de prendre. Surtout les choses qui se pensent pas, ce qui se réfléchissent pas, ça se comprend pas, ça s'intègre. Puis on le voit plus à mesure que ça s'intègre, c'est là tout le temps. Mais je repense à Carole. Moi aussi. Mais vous savez, ça peut servir à long terme. On verra bien. Stéphane, Il a réussi à mobiliser beaucoup d'attention négative. Cela aurait dû être écarté, mais ça me fait rire et ça donne de l'expérience. Ben oui. Ben, faut que je reste en forme au niveau de certaines capacités sociales que j'ai à revirer des crêpes. Oh, chose pas correcte, j'aurais pas dû dire ça. Mais vous voyez, même là, en me disant ça, là, faut pas trop, je pense à ça. C'est super joli, votre accent québécois. Ah, ben, merci. Mais il y a des gens qui trouvent ça. Il y a des gens qui trouvent pas ça joli. Ça fait un petit peu vieux, là. Un petit peu presque moyen-âgeux. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ça. On voit quasiment qu'il y a. Ça sonne quasiment comme d'autres langues, là. Il y a le roulement de. Quand ils ont fait apparaître le nouveau français, là, ce qu'ils ont appelé le nouveau français, qu'ils ont voulu enlever des accents circonflexes de partout, là, comme sur gâteau, fantôme, moi, j'ai pris la décision de me foutre de ces règles-là et de garder mes accents circonflexes et les vieilles règles de français. Pourquoi? Parce qu'en québécois, il n'y a pas de fantôme, c'est un fantôme. Il n'y a pas de gâteau, c'est un gâteau. Donc, j'ai décidé de garder les accents circonflexes, puis j'écris comme ça. Puis, il faut le faire quand j'ai à mettons, là, si je décide que j'écris à une députée ou à quelqu'un, là, je l'écris comme je l'ai appris. Je me fous des nouvelles règles. Donc, bonjour, Christine. Todd, vous avez effacé votre message. Amen, 33. On est né avec un certain déséquilibre mental à partir des années 70. Les parents ont consommé plusieurs substances psychotropes. Quand on retrouve notre équilibre, le New Age nous appelle des enfants de moi. Vous savez, moi, mes parents n'étaient pas sur le party dans ces années-là. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été quand même assez sérieux à l'époque. Notamment là, mon père qui était militaire dans les années 70. Il consommait pas de drogue. Puis, ma mère, elle a travaillé à 18 ans, là, puis elle avait pas la tête à de la drogue. Vous savez, là, c'est pas tout le monde qui a eu des parents. C'est pour ça que je dis, j'ai eu une éducation peut-être plus. En tout cas, là, mais à cette heure, dès qu'on est un peu. Oh, moi, je serais issu de l'extrême droite. Dans le fond, pourquoi? Parce que je viens d'une famille plus ou moins traditionnelle. Donc, là, à un moment donné, là, il faut en prendre pour en laisser, mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'adore votre accent. Ah bon, merci. Mais j'ai aucun mérite pour mon accent. Il est circonstanciel. Indigo, cristalline, arc-en-ciel. Moi, tout, j'ai eu de la misère avec ça. À mes yeux, ça vient vraiment du nouvel âge. Puis les mêmes qui ont pensé à certaines affaires, c'est les mêmes qui ont ils sont arrangés pour qu'ils se fassent une promotion du LSD dans le temps de la contre-culture. Puis tout ça, puis à mes yeux, tout ça, ça explique en partie pourquoi on en est rendu là maintenant. La pensée woke, puis toutes ces niaiseries-là, qui c'est de la psychose, là, on dit de la folie, là. En tout cas, merci, j'ai pu sentir le titre d'entité entêtée qui avait pu en passer par moi à l'époque qui agit avec toi, mais à certains niveaux, tu sens si c'est intelligent au fond de toi-même. Moi, ben, des fois, je sens des forces que je vais tout le temps avoir. C'est pour ça que je vous dis, je vais être indulgent puis patient. Souvent un peu trop peut-être. Je sens qu'il y a une personne en arrière de la pollution. Puis je sens qu'il y a une souffrance aussi. Puis bon, mais à un moment donné, il faut rester charitable aussi, mais quand même. Quand même, il y a des choses qui s'intègrent juste par à la dure. Ouais, t'as raison, j'ai pas perdu personne. C'est moi qui me sens plus en phase avec eux. Je n'ai plus rien à leur dire, la pluie, le beau temps, ça vide à un moment donné. T'aimes mieux être seul. Bon. Ben, peut-être aussi que vous êtes dans une période d'intégration. Je vais devoir laisser bientôt. Ça fait 2 heures, là, puis midi passé. Que penses-tu du Bitcoin? Ben, comme je l'ai déjà dit, là, s'il y avait moyen de faire beaucoup d'argent spéculant sur ça, il y a un bout de temps. J'ai l'impression, là, Bitfarm redescend, là, les compagnies, là, c'est pour les actions, là, la valeur redescend. Mais j'ai l'impression qu'au bout du compte, ça va finir par être une bulle pareille, là, quelque part. Donc, bon, je pense à rien. Mais moi-même, au début, là, quand c'était vraiment pas cher, le Bitfarm, j'en avais des actions. J'en avais beaucoup. Puis quand il y a eu la pandémie, puis tout, j'ai vendu plein d'actions, plein d'affaires, puis je me suis débarrassé de tout mon bitfarm. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté. J'ai eu de la crainte. J'ai eu des craintes, puis j'ai été selon la crainte. Puis c'est de l'argent que j'ai perdu. J'aurais pu... j'aurais pu avoir la paix aujourd'hui, là, je serais dans une maison, puis j'aurais la paix, puis j'aurais pu à me casser la tête, puis à être encore à recommencer, à me remonter un portefeuille, que je déteste ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça a l'air qu'expérimentalement, les affaires en dehors de mon ego, ils veulent que je le vive comme ça, donc... Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu entends par la société qui est une physiocratie? La société est une physiocratie dans le sens que c'est des physiocrates qui l'ont, c'est des physiocrates qui l'amènent, notamment le système bancaire. C'est ça que je veux dire. Ceux qui ont théorisé l'idée que les valeurs circulaient dans le système économique comme du sang dans un corps. C'est ça, des physiocrates, puis c'est pas mal. Bon. Indigo, nouvel âge, moi. Ben, le nouvel âge, c'est un peu la religion universelle de la fin du cycle. Hein? Puis ça va se cristalliser, à mes yeux, vers une forme de cosmisme. Trudeau gagne à court terme. J'ai hâte de voir les effets inattendus. Vous voulez dire le moyen terme? Moi aussi. Merci. Ah bon, merci à vous, Carole. Platon moderne. Ah oui, gueule. Il va falloir des sérieuses questions à poser. Parce que c'est pas normal, là. D'écœurer le peuple, faire chier, là, exprès, là. S'imposer comme ça, là, non. Il y a du... Regarde, là, j'ai pourtant été patient. J'ai pourtant été indulgent. Puis finalement, j'ai fini par dire « Ok, je veux plus. Je veux pas. » Je suis pas capable de respecter ça. C'est une obsession de revenir. Il faut que tu te questionnes. Là. Pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Gars, là, t'as l'air que tu es encore capable de m'écrire, là, même si je t'avais masqué. Je veux que tu m'écrives pourquoi. Pourquoi tu continues à venir ici, puis pourquoi tu es obsédé? Ah, puis après, moi, je vais te démontrer que c'est pour des raisons psychologiques qui sont subjectives, puis pas réelles. Mais pour ça, il faut que tu aies l'honnêteté. Explique-moi pourquoi. Pourquoi c'est plus fort que toi? Pourquoi pourquoi c'est irrésistible? Pourquoi c'est irrésistible, puis plus fort que toi de venir pareil ici? Puis pourquoi c'est plus fort que toi de t'adresser à moi alors que je t'ai spécifiquement dit que je ne suis pas consentant? Explique-moi ça. Puis je vais t'expliquer, que je vais te démontrer que c'est toutes des raisons qui sont psychologiques, qui ne sont pas réelles, qui sont subjectives, qui sont liées à des troubles psycho-affectifs, que ce n'est pas normal. Puis que ça ne donne rien. C'était tout prévu depuis longtemps, tout ce qui arrive en ce moment avec nos imposteurs qui gouvernaient, oui. Ben, il n'y a pas réellement de crise autre que synthétique. Donc, de toute façon, on est dans un système qui n'est pas réel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur réelle. Je parle des monnaies, là, donc il faut que... Yeah. C'est ce que vous entendez en disant que pour eux, nous sommes de la ressource humaine. Est-ce qu'on est une colonie? Ben non, on est de la ressource humaine, vous comprenez? Est-ce qu'on est une colonie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le colonialisme vient de... Non, c'est dans le sens que les humains ont de la valeur comme un élevage de porcs, si vous voulez. C'est des esclaves. Quand il y en a trop, là, on a peur qu'il y ait une mutinerie sur le bateau, puis de perdre le contrôle du bateau, donc on régule la population de serviteurs. Mais... Le passé de Trudeau vient de ressortir le trafic de drogue dans moi, ça fait longtemps. Il y a aussi eu des rapports avec... Il était professeur, lui, avec des jeunes filles... ma fille à Los Angeles prison quelques mois après avoir plastiqué une voiture et un gamin. Oh, ça, c'est à la guerre avec les Rock Machines. Moi, je suis pas sûr que Trudeau avait un rapport là-dedans. Là. Faut pas. Hein? Là, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens ça l'été où c'est arrivé le jeune qui a reçu un morceau par la tête. Là. T'sais, ils avaient piégé une voiture dans une vous voyez comme dans une rue parfaitement. C'était des domiciles là, dans un secteur familial. En tout cas, moi, je ne savais pas pour Trudeau, prison. Ben oui, si vous avez un dossier criminel, vous ne pouvez pas, par exemple, traverser certaines frontières ou garder un tel permis ou, je ne sais pas, moi, être éducateur en garderie, mais vous pouvez être premier ministre. Au revoir, Amof, Joseph Aneuf. Ben moi, je ne savais pas pour Trudeau. Oui. OK. Comment un gars peut être premier ministre avec un casier criminel? Ouais, mais c'est tous des criminels au fond. Ils ont toutes des casseroles. Quand quelqu'un est choisi pour devenir premier ministre, ça veut dire qu'il est contrôlé, donc ils savent des choses sur lui. La vérité, parfois, ça sort 50 ans après. Des fois, ça sort même pas 500 ans après. Il y en a qui ont l'intuition. Todd Marsh, ceux qui ne voient pas le théâtre ont besoin de brûler de la naïveté, mais ceux que j'ai hâte de voir souffrir, c'est les gossés et compagnie. Ils souffrent déjà un peu, mais ils le savent. Plus ou moins, moi, je peux comprendre. Eh oui, on le sait. Vous avez dit ailleurs que les cataclysmes de la fin de cycle ne sont pas d'origine anthropique, non. Ben non, c'est cyclique. Bon, tu crois m'avoir cerné, mais tu te trompes. Regarde, moi, ce que j'ai cerné, c'est que je t'ai dit, je t'ai demandé spécifiquement de ne pas m'achaler. Puis tu t'imposes. Tu parles public à des gens en quête de sens, tu les perds pourtant, tu influes sur leur réel. Ouais, mais toi, tu n'influeras pas sur le mien. Je veux dire, c'est volontaire. Le monde, ils viennent me voir, c'est pas moi qui vais à eux. Puis toi, je t'ai demandé de... Moi, ce que je t'ai posé comme question, c'est pourquoi? Pourquoi tu peux pas t'empêcher de m'achaler? Pourquoi t'es pas capable de t'empêcher de... Je t'ai spécifiquement dit, toi, ton cas m'intéresse pas. T'as des affaires à vivre tout seul de ton bord. C'est ça l'intuition que j'ai. Puis j'ai pas envie d'avoir affaire à toi parce que j'aime pas ta vibration. Ce que je t'ai demandé spécifiquement, c'est pourquoi tu t'entêtes à t'imposer. Puis pourquoi tu ne peux pas t'empêcher de venir ici? Puis pourquoi ça semble irrésistible de venir m'insulter? Parce que de temps en temps, tu me traites de tête de nœud. Tu m'as tout insulté en courriel que je ne te réponds pas. De toute façon, je n'ai pas le temps. Mais je veux que tu te questionnes. Puis que tu te demandes pourquoi au niveau de ta personnalité, tu ressens le besoin de venir me voir. Si je suis une tête de nœud, pis ci, pis ça. Je veux dire, si tu considères que je suis une nuisance, il y a pire que moi, là, si c'est une mission pour la société que tu te donnes. Moi, ce que je te demande, objectivement, c'est pourquoi, selon toi, parce que là, ça va être ton regard à toi sur toi, donc de l'intérieur de ta propre maison, donc d'une certaine subjectivité, mais toi, pourquoi tu ne peux pas t'empêcher de venir ici, selon toi? Pourtant, l'homme moderne a un rapport destructeur avec l'environnement naturel. Les anciens l'ont dit. Ben oui, ils modifiaient. C'est qui a un rapport destructeur avec l'environnement? C'est des collectifs, entre autres, comme des compagnies, des industriels. Puis on ne parle pas de l'homme individuel réel. Là. C'est des druides, des sorciers, ils font beaucoup d'occultisme. Moi, ben, les industriels de maintenant, c'est les anciens d'hier. C'est pour ça que je peux faire un lien avec ce qui est plus haut. Là. Moi, j'ai masqué ces messages, alors je ne les vois plus. Ah bon? C'est drôle, moi, pourquoi je ne suis pas capable? Quête de sens. Mais il est fou, lui, ou quoi? Hein? Je traite de tête de nœud quand tu as dit que j'étais... Ben non, j'ai dit que tu avais la vibration de... Je sentais une vibration. J'ai dit, je te connais pas, donc j'étais pas dans l'assertion, mais j'ai dit, je trouve que tu as cette vibration-là. Je me donne la seule mission de m'occuper de moi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, là. Je te l'ai dit spécifiquement, Chris, mon père. Car quand on te met face à certaines idioties que tu dis, tu ne réponds pas, tu t'échappes. Regarde qui parle. Ça, c'est ça ta raison de t'imposer. Parce que tu as décidé ça, là. OK, je veux un exemple concret. Je t'avertis, t'es-tu au Québec, toi? Asti, je suis sur le bord de me tanner pour vrai. T'es pire qu'un enfant. Regarde, pourquoi tu peux pas t'empêcher? Si je te demande, pourquoi tu peux pas t'empêcher, puis qu'est-ce que ça donne? Car quand on te met face à certaines. Ben oui, puis à cause de ça, pourquoi? Moi, mettons que j'aurais quelqu'un comme tu décris, je vais pas vouloir avoir de rapport avec. Je m'en occuperai pas. Puis après, tu me dis, ma mission de m'occuper de moi. C'est comme de t'occuper juste de toi-même. Vincent, tu sais. Exemple, les pensées viennent d'ailleurs, c'est pas des idioties. Regarde, c'est pas de ma faute si tu comprends pas le phénomène. Puis c'est pas juste moi qui le dis, là. T'as pas le choix au niveau de ta pensée de la donner une forme à l'énergie à partir de ta mémoire. Tu comprends pas ce que je dis? Ah, c'est une pomme. Et en face de moi que j'ai faim. J'adore les pommes. La pensée qui suit, je vais manger la pomme. Ben oui, un stimuli. C'est pas toi qui a la pomme, elle vient pas de toi. Style la masque, tu verras plus ça, mais ça. OK. Ça vient du présent, ça. Ça vient du présent, ça. Viens, il faut mettre un T à la fin, c'est la troisième personne du singulier. Puis ça, ton ça, S-A, il faut que ce soit C, C, D, A, comme tu l'as mis à la fin. Regarde, là, tu. Tu fais des actes manqués, entre autres. Regarde, t'es pas capable de me donner une réponse qui se tient de pourquoi tu viens me troller quand je t'ai spécifiquement dit que je suis pas intéressé à avoir de rapport avec toi. T'as un trouble de la personnalité. Tu cherches à valoriser ton propre ego face à toi-même en venant me faire chier. Pourquoi? Parce que tu vois que je réagis. Mais à un moment donné, tu sais, je vais t'ignorer, là. Mais Berthold, il a le droit de ne pas répondre. Le mec, il faut se calmer. Ben, je le sais qu'il a le droit de ne pas se répondre. C'est parce que, imaginez qu'il y a quelqu'un qui s'invite chez vous puis qui s'impose, puis il ne veut pas vous dire pourquoi. Est-ce qu'il a le droit de. Tu devrais te renseigner plus sur le supranational. C'est ça, je dis, il ne maîtrise pas la base. Il ne comprend pas ce que je dis, il ne comprend pas de quoi je parle. Puis comme il reste dans la forme, puis qu'il n'y a pas. Le même parcours que d'autres qui ont eu des séminaires avec Bernard, avec Daniel Kemp, puis tout, il voit de la contradiction, il n'a pas. Parce qu'il est dans la forme, il est dans la subjectivité de l'intellect, puis il est dans la réflexion. D'ailleurs, s'il prend comme nom Platon moderne. Tu sais, je veux dire. Tu te fais trop, je le sais. Mais c'est parce que là, à un moment donné. Non, je souhaite un échange réel sur les pensées viennent d'ailleurs. Oui, mais. J'en ai parlé de je sais pas combien de fois. Oui, les pensées viennent d'ailleurs. Tu peux pas. Il n'y a pas de créativité à penser. C'est un processus. La pensée, c'est mécanique. Je vous quitte. Je souhaite une belle fin de journée. Bonjour, Josie. Tu ne connais pas mon expérimental. Je suis pas en train de te juger. Je te dis que je veux pas avoir affaire à toi, que j'aime pas ta vibration. C'est pas un jugement. C'est comme je te disais. Tu as un trouble au niveau du regard des autres. Tu veux te sentir vu puis reconnu. Puis ça, c'est par expérience que je le dis parce que j'ai vu ça. C'est pas un jugement, là. Mais tu as un comportement comme ça. De quelqu'un qui va être vu, reconnu, dans le sens, moi, je m'en fous que tu m'aimes ou pas. Mais je choisis mes amis. Je choisis mon entourage. Je m'impose pas à d'autres. Tu sais, j'ai été. Ça, c'est intégré, là. Donc, tu te sens lésé. Ça te crée une blessure dans ton ego. Puis c'est pour ça que tu viens ici. Tu sens que je te juge, puis tu viens ici comme pour essayer de récupérer. Puis moi, je suis pas là pour ça. Il me fait penser à la... Oui, je le sais. On a affaire au même... Dans le sens, plus pas un jugement, mais dans le sens, la même... ce qu'on appelle la personnalité, là. Il y a une différence entre la personne et la personnalité, mais il s'identifie à ses pensées. Puis le fait que de penser que moi, peut-être je le juge, mais c'est inaccepté, c'est pas capable. Donc, sur lui, je pense que ça l'a touché dans son assez ça, c'est une blessure. C'est une blessure narcissique. Regarde, là, si tu savais comment j'ai fait rire de moi, puis comment j'ai été rejeté dans ma vie, puis j'ai pris sur moi. C'est pourquoi la taxe pour les non-vaccinés, alors, oh, ça, ils ont abandonné l'idée. Tu m'as jugé au moins 20 fois. Ben oui, mais va voir ailleurs. C'est ça que je comprends pas. Tu interprètes ça comme des jugements. Moi, je te dis mon ressenti par rapport à la vibration. C'est ça. C'est une blessure que tu as. Tu veux être connu. Tu veux que je te voie d'une façon. T'es comme un petit enfant qui veut se sentir aimé de ses parents. Regarde! Regarde, mère! Regarde! Regarde, papa! Regarde! Bon, moi, je suis pas là pour ça. C'est pas de ma faute, là. Ça t'a créé une blessure. C'est parce que au niveau de ta mémoire psycho-affective, il y a une faille liée à moi. Fait que tu vas t'imposer. Je suis lésé de rien. C'est exactement. Ça, c'est réel. Bon, ben. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me fous d'avoir raison. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'impose pas, moi, dans ta vie. Moi, je m'en fous pour vrai. Toi, à part quand tu viens m'achaler, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Je veux que tu t'interroges pourquoi tu es tout le temps ici. Il y en a qui me disent que je suis gentil. Ben, ils polarisent l'affaire un peu. Platon, il est comme un animal qui pompe le sang quand ça... Non, il ne faut pas non plus diaboliser. L'affaire, c'est que c'est pour des raisons psychologiques qui s'accrochent à moi de même. Alors que, ben, j'ose dire, le support mental, c'est pas fait pour toi. Tu comprends pas de quoi il est question. Pas encore, peut-être. Je sais pas, là. Peut-être plus tard, ça, je le sais pas. On sait jamais qui va intégrer, qui intégrera pas. Mais il est là pour... Je veux dire, il s'impose. Platon, je crois que tu as manqué simplement d'informations. Tu peux entreprendre des recherches pour revenir plus tôt. C'est ça. Si ça continue, moi, je vais m'adonner. Je vais parler juste avec dans des groupes que des gens qui ont eu des liens vraiment là, avec le matériel de Bernard dans Montréal, puis de Daniel Kemp, puis d'autres. Cette leçon, je ne donne pas de leçon, finalement, un échange instructif pour nous quant à la vision qu'on a de nous-mêmes. Ben, je quitte, bon après-midi. Bye, Steve. Platon, moderne, regarde en haut, regarde en bas, regarde le point en fond. Bon. Je suis là car on a certaines choses en commun. C'est tout ce que je vois, des choses que tu vois, mais tu dis certaines bêtises. Ouais, mais c'est pas à toi de me corriger. L'évolution au sens du réel, là, le phénomène est individuel. C'est au niveau, s'il y a des choses que j'ai à corriger, c'est au niveau de mon expérimental que ça va se corriger par l'intégration, par la pratique. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller dans ton coin, puis tu sais, c'est à toi d'intégrer tes propres affaires. Tu n'as pas l'air de comprendre ça. Tu sais, c'est pas toi qui vas venir m'ajuster, là. Il y a un problème, là. Puis là, même juste le langage que tu emploies, des bêtises. Mais tu échappes quand on t'en parle. Mais non, c'est parce que tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu t'arrêtes à la forme, t'es trop psychologique, t'es trop intellectuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là où toi tu comprends pas, il y en a d'autres qui comprennent. Platon, vous êtes un peu lourd, un peu vous trouvez. J'aime pas ta vibration. J'aime pas ta vibration. J'aime pas... Tu sais ça, il y a de quoi dans ta vibration qui fait que non, tu me... Je le sais que ça peut pas, mais je peux pas avoir de lien harmonieux avec toi. L'individu moderne moyen des sociétés développées pollue et détruit l'environnement à travers son mode de vie beaucoup, beaucoup plus qu'un individu de l'antique. Oui, mais les gens sont éduqués au niveau des masses pour avoir un comportement comme ça. Je veux dire, l'économie, c'est pas l'individu qui a décidé d'être un surconsommateur, d'avoir ces valeurs-là, d'être conditionné, entre autres, comme ça. C'est ça que je veux dire, là. Je ne m'arrête pas à la femme. Tu penses que... Calice. Pourquoi tu ressens le besoin de t'imposer? Puis ça va te donner quoi, selon toi? Oui, tu t'arrêtes à la... Ah. Ben non, je suis même pas... je replace même pas Emmanuel. À moins qu'il y ait plusieurs comptes là, à ce point-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une différence entre la personne et la personnalité. Il y a une différence entre l'ego puis sa densité, dans le sens de son opacité. Puis il y a tout un conflit entre les deux. Puis l'autre est une représentation pour le rapport à soi. Moi, quand quelqu'un, là, il y a de quoi qui me déplaît dans son propos, je vais pas aller le voir. Je vais voir ailleurs. C'est ça que je comprends pas. Je comprends. Moi, je pense que c'est lié à l'enfance. Ça ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aimer tout le monde. Ouais, mais c'est parce que moi, c'est Darkness qui est revenu, je le sens. Non, c'est pas la même personne. Il y a une vibration semblable qui est liée à des raisons. Bonne journée, Carole. Qu'il y a des raisons circonstancielles, là, parce que dans certaines cultures, il y a un enfermement dans l'intellect. Puis le réflexif, c'est pour ça d'ailleurs que les Québécois ont été plus aptes à intégrer certaines choses, certains principes. Mais c'est pas général là, comme loi. Là. J'en connais là, des Européens qui sont capables d'intégrer puis de sortir de l'intellect. Mais c'est pas la même personne. À moins que vous parliez de hey, man, je sais pas quoi. C'est parce qu'à un moment donné, là, il va falloir que je sois sélectif, dans le sens qu'il va falloir que je crée une structure pour filtrer. C'est à ça que ça va aboutir. Regarde l'affaire, il y a une pomme, j'ai très faim, j'adore les pommes. La pensée suivante, égale, je vais manger la pomme. Je comprends pas, là, toi. Tu trouves ça ridicule, j'ai pas dit ça. Je comprends même pas ce que tu veux dire par là, t'es dans le réflectif. Ça vient d'un stimuli lié à l'environnement. Non, ça, tu comprends pas là, de quoi il est question. Je m'excuse. Là. Je m'excuse, mais tu comprends pas. Ben oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il m'explique pourquoi cette obsession à venir ici, puis à s'imposer. Il n'y a pas juste moi. Là, tu peux aller parler de philosophie avec plein de monde. Il y a plein de monde là, qui sont intéressés par le. Ils pensent que c'est réel, la pensée, puis. Il y a plein de philosophes là, du courant psychologique là, du monde qui ont lu Bergson et qui aiment ça. Là. Hey, avec votre pomme. Cherche pourquoi tu adores les. Socrate à quatre pattes, un chat à quatre pattes. Socrate et un chat, c'est nul, ça ressemble à rien. Ah. Non, ben là. C'est parce qu'à un moment donné, il faudrait se questionner. Moi, ce que, justement, les processus dont on parle, c'est comme, justement, les processus liés à la mise en initiation expérimentale. Comme, pour quelle raison s'imposer? De même, c'est quoi? C'est pour des raisons psychologiques. Là, on n'est pas dans de l'intégration. On n'est pas dans une vision. Je ne dis pas que la pensée est réelle. Je dis que la réelle influe sur notre pensée. Ben oui, je sais ça. C'est cela que je dis, il y a une incompréhension au niveau du langage. Là, je comprends ce qu'il voulait dire, Sabourin. J'ai déjà eu une discussion avec Sabourin là-dessus. Là, je comprends plus pourquoi il insiste tellement sur le langage puis le vocabulaire. La version moderne de Platon a l'air... OK, arrêtez ça. Là, mais pour du débat. Je suis pas là pour débattre. Tu es dans de la philosophie. T'es dans de la rhétorique puis de la sémantique, puis c'est pas ça le supramental. T'es une espèce d'intellectuel. J'haïs les intellectuels. J'aime pas ça. Je vois pas l'intérêt. Je trouve que c'est de la masturbation. C'est du tournage en rond, vrai, comme on a là. C'est pas de même qu'on intègre ça, je le sais par expérience. Attends, madame, la pensée et un sens. Moi, c'est surtout ce qu'on pourrait appeler les formes pensées, mais il y a une mécanique. Alors, tu veux pas. Si tu veux pas débattre, tu sais, alors ça n'a pas rapport. Je viens de t'expliquer. C'est ça que je veux dire, parce que tu comprends pas ce que je dis. J'ai jamais dit que j'étais omniscient. Tu es dans l'intellect. Je le vois par la façon que tu es un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un imbécile. Yeah, là, moi, je suis trop con pour débattre avec des intellectuels. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça contre-productif, inutile. Je ne trouve pas ça créatif. Je ne trouve pas ça dynamisant. Puis ça ne m'intéresse pas. Pour des gens qui sont dans l'intellect, c'est parfait. C'est pour ça que je t'avais écrit, d'ailleurs, très respectueusement, d'aller dans des groupes de philosophie. Du monde qui débatte au niveau philosophique. Mais non, toi, tu es accroché sur moi. Pourquoi, selon toi? Pour des raisons psychologiques, tu t'es senti blessé. Regarde, là, moi, ta place, là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Va voir un psychologue, là, si tu sentais que tes parents ne t'aimaient pas. C'est pas moi qui vais régler. C'est pas en venant me picosser que tu vas régler ça, là. C'est ça que j'essaie de dire. Là. L'image que tu as de toi-même, c'est pas lié à ce que je pense, moi. Tu t'identifies trop aux pensées. C'est la pilule anti-reflux que tu as dans la main droite. Oui. Ah oh, oui. Ah oh, oui, il me donne. Ben, quand je suis en crise, là, l'estomac qui se contracte, puis ça remonte. Mais c'est parce qu'aussi, il faut que j'aille manger bientôt. Platon a toute l'attention. Ben oui, c'est ce que je pense aussi. Eh bien, alors, le débat est utile pour voir ce qui est. Ce que. Si ce que croit est réel. Ce que croit. C'est mal écrit, le corps. Je t'écoute sur la première chaîne. Je m'en fous de mon image. Regarde, là. Moi, j'ai été clair, le gars. Asti, que ça ne m'intéresse pas. Mais à mes yeux, il n'y a rien là-dedans, là. Si, là, moi, je n'ai pas d'allure, va voir ailleurs. Si je suis un con, va voir ailleurs. Pourquoi tu t'entêtes? Moi, j'essaie de faire en sorte que toi, tu te le vois, là. Que tu te vois. Que tu te vois toi-même. Pourquoi tu fais ça selon toi? Tu ne le sais même pas. Mais tu ne peux pas t'en empêcher. Tu veux te sentir vu, reconnu, puis aimé par moi. C'est ça le problème. Puis c'est lié à une blessure au niveau de ton narcissisme. Parce que j'ai été un petit peu sec avec toi parce que j'ai vu que tu n'es pas faite pour ça. Tu n'es pas faite pour le supramental. Tu es faite pour des. Tu es un intellectuel. Tu es faite pour aller débattre de philosophie. Tu es faite tout pour. Aller dans des groupes de philosophie où là, le thème aujourd'hui, par exemple, l'aliénation selon Nietzsche, puis des choses comme ça, tu n'es pas fait pour le supramental. C'est un autre mode de façon de voir. Tu vois, quel patient. En tout cas, j'apprécie ton intervention d'aujourd'hui, du début à la fin. Bon, ben merci à vous. Vous aussi, vous êtes patient, si vous êtes là depuis le début. La mission de Bersintol n'est pas de défendre, de prouver son point de vue. Elle serait plutôt d'aider des gens à progresser dans le vrai sens. Bouf, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je suis arrivé en retard. Est-ce que tu as parlé des camionneurs? Oui, au début. Si vous allez au début, j'en parle au début. Mais l'affaire, c'est que ça n'a pas de sens, là. Si vous voulez débattre, allez débattre avec du monde que vous considérez de votre niveau. C'est pas normal, là, de vouloir débattre avec moi. Moi, je débat pas. Je suis pas dans de la philosophie. Je suis pas un intellectuel. Ça, je vois pas l'intérêt, là. Je suis pas non plus à... est-ce que tu connais Franck Athem? Non. Non, je connais pas. Non, là, c'est pas que Vincent, là, M. Trajan, il faudrait régler ça une fois pour toutes. Considérer qu'il n'y a ni de bien ni de mal, n'est-ce pas une forme de relativisme, car en mon sens, le mal est bien implanté. Vous savez, c'est parce que c'est justement, c'est relatif à l'intellect, justement, c'est-à-dire à les formes pensées. En tant que principe, là, si on en parle en tant que principe au niveau là, d'une force là, cosmique en dehors de l'interprétation par les formes pensées, là, il faudrait sortir de la morale, puis ça deviendrait une forme de physique. Là. Donc, je me souviens même plus ce que je lis. N'est-ce pas une forme de relativisme qui rend mon sens le mal est bien implanté? Il y a une force qu'après on qualifie de mal. Au niveau de notre intellect. Platon, modernement évolutif. À mes yeux, la philosophie, c'est tout le temps évolutif. C'est sûr. Parce que ça donne quoi? Si on débat, on va juste changer des mots pour d'autres. Ça ne détruit pas la forme. Ça ne fait pas éclater la forme. On joue avec les formes. On bricole les formes. On applique une permutation des formes au niveau de la mécanique. C'est pas ça, éclater la forme puis se réapproprier l'énergie qu'il y avait dedans pour créer un surmental, un espace au-delà de l'intellect pour observer d'une façon passive, sans réflexion, dans une pratique, sans théorique, ce qui est le processus intellectuel. Ça commence par faut comprendre la pensée vient d'ailleurs. Mais non, c'est des bêtises, OK. Bernard de Montréal qui a bouleversé la vie de milliers de personnes, je parle des milliers de personnes, c'est la première affaire qu'il dit, dont moi, là. Nous sommes ici pour un échange intelligent et évolutif, si possible, dans le plus convivial. C'est pour ça que j'aimerais ça régler ça une fois pour toutes. Trajan. Vincent Trajan. Parce que, il se rend pas compte, là. Parce que ça se tient pas, ce qui me donne comme raison de venir ici puis de s'entêter. Il veut débattre. Ben oui, mais va débattre avec du monde qui débatte. Christ, j'ai-tu l'air, moi, là, dans un cercle de philosophie? C'est pas de la rhétorique puis de la sémantique, ici, là. Je suis pas là-dedans pantoute. Tu sais, ne pas oublier que les écrits sont peut-être dénaturés, ne rien croire. Moi, ben, de toute façon, dès qu'on met de l'énergie dans une forme, c'est une forme de... Le réel est informe. L'information vient de la forme. La formation. On se forme, on se déforme. C'est Vincent Trajan. Ouais, oui, c'est lui. Quoi, vous ne l'avez pas reconnu? Vous n'avez pas reconnu sa vibration? Oui, c'est lui. Puis c'est pas Dark Chemist. Ils ont une vibration semblable, mais... pas tout à fait pareil. Quoique des fois, j'ai senti sa présence, mais peut-être c'est juste c'est moi qui me déforme, justement, peut-être. Des fois, là, j'ai vu sur sa chaîne, Yoto, là, les cheveux longs, ils se trouvent très beaux. Ah bon? Ah oui. Ça doit pas être pour tout le temps. J'espère que tout le monde n'est pas comme moi. Des fois, avoir les cheveux longs pour économiser de l'argent, là. Selon vous, est-ce que André Moreau est plus dans la philosophie ou dans le super dans la philosophie, c'est de la philosophie. André Moreau, c'est de la philosophie. J'irais même jusqu'à dire que c'est un maître, mais même pas juste au sens philosophique. C'est un maître. Puis Moreau, je l'ai rencontré, Moreau. Je le vois en personne, Moreau. À moi, si on me dit. La porte, elle est fermée, mais je viens plus. Il faut savoir respecter la personne. C'est pour ça que je veux qu'il se questionne. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a eu un problème, à mes yeux, au niveau... dans la petite enfance. Peut-être devrais-tu flusher plus rapidement les gens. Ben, je l'avais fait. Je ne sais pas comment ça... En leur vibration, tragique, comment ça? Ben oui, moi, mais coudonc, qu'est-ce que vous voulez? Dark Chemist, l'irrésistible envie d'être drôle, loin. Mais là, j'ai pas envie de. Vous savez, je trouve pas ça correct de parler du monde quand ils sont pas là. Tu pourrais parler des chiens. Les chiens, ah oui, je comprends. Je suis pas sûr que M. Trajan comprend les chiens. Les chiens. Ah, les chiens. Vous savez pas ce qu'ils m'ont fait dernièrement. Mais il y a l'affaire, là. J'avais rêvé à ça qu'il y avait deux personnes, là, que dans le temps, que je connaissais pour leur certaines faiblesses, mettons. Là, puis là, je rêvais que c'était mes amis. Dans le rêve, c'était mes amis. Puis ils venaient faire du ménage chez moi. Ils venaient m'aider à faire de l'entretien. Par après, je demande au chien. Je dis, c'est quoi ça? Puis plusieurs, ça a pris plusieurs fois. Ça voulait pas. Il n'y a rien là. Ou, je veux savoir c'est quoi derrière la forme, ça. C'est pourquoi ce qui est intelligent derrière la forme, ça a pris cette forme-là. Je finis par dire, ben, ces deux-là, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'il n'y avait pas, tu sais. Les deux, ces deux personnes-là, dans mon souvenir, c'était déjà un petit peu déficient. Au niveau, mettons que c'était des innocents dans le sens gentil du terme. Je dis, ben, c'est ça. C'est des forces non intellectuelles vont intervenir pour faire un certain ménage. Ça, ça veut dire que je vais brûler de la pollution bientôt. Puis ça a voulu que je manifeste la volonté de questionner. En tout cas, mais ça devient fatiguant, on a l'impression, moi je suis des chiens moi aussi, parce que c'est d'être manipulé, de faire rire de soi, cette espèce d'impression-là, de faire rire de moi que j'ai encore par rapport à mes propres rêves, à mes propres pensées. Mais après ça, l'autre ne comprend pas que ça vient d'ailleurs. Il y a une personne qui m'avait demandé de lui expliquer, puis je lui avais écrit. J'avais expliqué très bien. J'ai le souvenir d'avoir fait une réponse magistrale, mais je l'ai faite sans réfléchir, sans penser, puis je m'en souviens plus. À un moment donné, j'irai dans mes courriels, puis je prendrai la réponse, puis je vous la lirai. Donc là, c'est vrai, je vais aller dîner. Là, je n'ai même pas à déjeuner. Le machisme, c'est facile. Il y a des chiens sales. Les chiens sont attachés aux chiens sales qui ont des numéros dans le dos. Pour l'instant, il y a une majorité de chiens sales à Ottawa montés sur des chevaux. Moi, c'est pour ces chiens-là que je parle. J'espère que les enfants en manque ne te décourageront. Ne courageons pas. Moi, j'apprécie énormément ta chaîne. Bon, merci à vous. Oui, c'est parce que l'être humain, il y a une grande partie de ses agissements qu'il ne sait pas pourquoi il agit comme ça. Il y a des individus qui agissent d'une certaine façon et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Je l'ai demandé, je dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour débattre. Moi, mais ça n'a pas de sens. Va débattre avec quelqu'un qui veut débattre avec toi. Un débat, un bon débat, là, un vrai bon débat, là, il faut que ce soit avec quelqu'un avec qui vous avez, qui accepte la joute oratoire, dans le sens avec quelqu'un qui a envie de débattre avec vous. Mais là, il faut pour ça avoir un langage commun. Il faut avoir un langage commun, il faut avoir une capacité commune au niveau du sens qui est donné aux formes. Moi, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui, dès que je dis quelque chose, comprend d'autres choses. Je ne peux pas, là. Ça ne marchera pas. La personne n'a pas le bagage. Elle arrive ici, bing bang, elle ne sait pas que le support mental au Québec, ça a commencé à la fin des années 70, qu'il y a eu un paquet de monde, qu'il y a eu même une évolution au niveau de la façon dont la vibration s'est transmise. La personne, il manque des... Elle ne comprend pas là, de quoi je parle. Puis là, la passe fédérale, c'est des bêtises. L'idée que la passe fédérale, c'est des bêtises, d'être là, s'il y a une subjectivité, ce serait super facile à défaire. La pensée, elle vient d'où? Ça vient... La pensée vient de l'ego. L'ego qui est une mécanique réactive aux stimuli. L'être humain est créatif au niveau des pensées. Pourquoi est-ce qu'on parle percevoir ou j'ai eu la pensée de... Puis regardez juste le langage depuis tout le temps. Puis mais non, l'affaire que l'être humain serait un peu comme une radio qui capte les pensées selon la fréquence qu'il s'adonne, là, selon son état psychique, entre autres. Vous n'aurez pas les mêmes pensées dépendamment de comment dans quel état psychique. Vous êtes juste là, on voit que c'est comme une radio, là. Si on met ça à un autre poste, ça capte d'ailleurs de tel niveau de pensée. Puis aussi le fait que l'être humain, il va donner des formes à l'énergie, mais c'est pas l'être humain pense qu'il pense. Mais ça, c'est des bêtises. Ça, c'est juste un intellectuel qui n'est pas capable d'avoir l'objectivité d'un espace d'observation de l'intellect pour sortir ça. Après, quand je demande, je dis, ben oui, mais moi, premièrement, on n'a pas, au niveau rhétorique, ça prend un langage commun. J'essaie d'expliquer, je dis quelque chose, tu ne comprends pas, tu comprends tout le temps d'autres choses, alors que je le sais au niveau de ce milieu-là, il y en a qui comprennent ce que je dis, parce que peut-être c'est lié au bagage, entre autres, là, entre guillemets. Puis non, la personne, elle veut, je dis, t'es pas le bienvenu, pourquoi tu t'imposes? Puis après, pour débattre, ben oui, mais il faut qu'il y ait un langage commun, il faut que tu débattes avec des gens qui veulent débattre avec toi, qui sont dans la vibration de débattre avec toi, c'est-à-dire qui sont disposés, qui sont consentants. C'est comme un architecte qui voudrait débattre d'architecture avec un physiothérapeute qui s'en fout. Ou, voyez, là, ça marche pas. Là. Puis là, je dis, c'est quoi, selon toi, les forces qui font que tu es obsédé à revenir ici? Puis que tu reviens tout le temps. Si ce que je dis, c'est des bêtises, puis que c'est... Pourquoi tu reviens tout le temps? J'essaie d'expliquer, j'ai dit, au niveau de ta réactivité psycho-affective, tu t'es senti blessé par moi. Puis, à cause de choses qui ne sont pas réglées dans ton enfance, à mes yeux, possiblement, tu es porté à vouloir essayer de mettre un baume sur ta blessure en essayant de reprendre ou d'être vu par moi, parce que tu t'es pas senti vu, la personne s'est pas senti vue. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute, par exemple, c'est le transfert. Il faut que la personne qui consulte le thérapeute se sente aimée, mais lui, il s'est pas senti aimé. Mais pourquoi? Parce que la plupart des problèmes psychologiques viennent de l'enfance. L'ego veut se valoriser d'abord dans la petite enfance au niveau des parents. Puis là, on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes. Là, je dis, ben oui, mais t'as une vibration que j'aime pas. J'ai dit, t'as la vibration comme quelqu'un qui fumerait de la drogue, là, ou, puis il comprend, je fume pas de drogue, ben, ça n'a pas rapport, t'as la vibration de... Tu me fais penser à c'est la vibration, ce qui me fait penser, là. C'est un peu ça, la vibration vient d'ailleurs. C'est la vibration d'espèce de hippie de maintenant. Les hippies de maintenant, là, ce qu'on voit en Europe là, qui tripent sur la culture des hippies là, d'Angleterre, d'Amérique, puis même comme ceux qui ont des dreads, là, comme Bob Marley, ces affaires-là. Je dis pas qu'ils fument pas, j'ai la vibration de tout ça. La vibration de ça, puis de l'angoisse. De l'angoisse, de la peur de l'effondrement, puis de, comme on voit chez... les écologistes qui sont dans la peur au point de d'être dans les affaires de collapsologues. J'aime pas ça, cette vibration-là. J'ai pas envie d'interagir avec du monde qui a cette vibration-là. Un débat, ça s'impose pas. C'est comme... comment je pourrais dire ça? Sinon, on sera pas objectif, tu sais. J'espère, oui. Seulement plus de personnes... Ben non, c'est pas de penser comme moi. Moi, je me mets en colère contre mes enfants. Avant, je regrettais. Maintenant, de moins en moins, c'est grave de se mettre en colère sur ses enfants. Non, ça dépend. Du cas par cas, ça dépend du contexte. Mais moi, je trouve pas ça toujours grave. Il faut se choquer. Il faut être en colère des fois. Ça prend des chocs. Hein. Désolé. Là. Moi, j'ai ce problème-là. Je fonctionne beaucoup par des chocs. Puis lui, la structure, elle l'a pas pris. Il impose un débat. C'est ça, mais un débat, pour être objectif, il ne faut pas que ce soit imposé. Il faut que, comme je disais, il faut qu'il y ait un langage commun. C'est normal d'avoir de la colère, même envers ses enfants. Oui, je suis d'accord, mais là, vous répondez. Qu'est-ce qu'on a intégré quand on se retrouve dans un autre pays, dans une solitude, n'ayant plus personne qui pense comme soi? C'est ça le problème. Le monde, il s'identifie à leur pensée. Qu'est-ce que ça change? Moi, je le comprends pas. Dans le sens, moi, je vis dans un pays qu'il n'y a personne qui pense comme moi. Puis ça ne me dérange pas. Dans le sens, moi, que la personne s'impose, qu'est-ce qu'on a intégré quand on se retrouve dans un pays, dans une solitude, n'ayant plus personne qui pense comme soi? Il est là le problème, c'est l'être humain, c'est un être social. C'est un être social, puis il a besoin de se sentir vu, de se sentir compris. On revient à ce qu'on parlait un peu. Vous vous sentez la solitude, là, c'est pas censé être... Plus vous allez intégrer, c'est plus censé être une souffrance. Dans le sens, je le sens de la façon que vous écrivez, comme si ça vous fait un déplaisir. Qu'est-ce qu'on a intégré? Ben justement, ça. Il ne faut pas donner d'importance psychologique aux pensées, puis pas s'identifier à elles, sinon il va y avoir un sentiment de solitude. Puis j'appuie là, sur le mot un sentiment. Or, on est supposé se servir de l'énergie des sentiments pour être barouetté par eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours, une grande partie de ma vie, voulu être un petit peu plus seul. Mon expérimental fait que j'ai eu de l'entourage, tout un entourage. Puis pourtant, en tout cas. Ça a du sens. Bon, j'étais où? Ça a du sens selon mon état. J'ai des pensées positives ou négatives selon l'état de l'esprit en amont, laisse entrer ce qu'on veut dans nous. C'est ça. Les actes qui en découlent sont des bonnes guélandes. Ah, vous répondez. Charles Sabourin n'adhère pas au schéma des entités. Selon lui, tout est énergie. Ben, vous savez, souvent, on va voir dans ce milieu-là, il y en a que pour eux, il n'y a pas d'entité, puis il y en a d'autres comme Charles Sabourin, vont dire c'est tous des programmes. C'est... Mais ce que moi, je vois les deux. C'est-à-dire, on nous entétisons l'énergie, puis nous donnons vie à des entités, puis des fois, elles peuvent avoir une vie propre en tant que mémoire expérimentale. Donc, je ne vois pas de conflit, mais il y en a, oui. Nouvelle émission, la thérapie du samedi. Tu parles public, non, j'ai le droit de t'imposer un débat. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bernard de Montréal, il parle en public, mais il n'y a personne qui pouvait venir y imposer quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça marche, là. T'es mal élevé. T'as été mal élevé. T'as pas de... Non, il y a un problème, là. T'as de sérieux problèmes. C'est pas de même que ça fonctionne en société, là. T'es un semi-civilisé, tant qu'à moi. Quasiment un sauvage. Vraiment, là, ça n'a pas de studio, là. C'est pas... En plus, tu réponds pas. Là, pourquoi c'est irrésistible de venir me chaler et de me confronter? C'est parce que tu as une blessure et tu veux te sentir vu. Je ne suis pas stupide. Là, j'en ai vu d'autres comme toi. Je veux dire, ben, je te connais pas personnellement, mais je connais ton genre. Ça, c'est si je généralise. Le motif, si ton langage est perçu par tes enfants comme étant agressifs, offensifs, si tu leur fais peur régulièrement, oui, ça peut être malsain pour tes enfants, moi. Macron impose un débat sur sa légitimité. Ben, je vois pas ça de même. Pourtant, lui, il préfère qu'il n'y ait pas de... Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport là, comme parallèle. Là. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est hors contexte. C'est ça que j'aimais pas de toi. C'est ça que fait que j'aime pas ta... T'es pas ajusté. Je te l'ai dit plusieurs fois d'intégrer de l'ajustement. Ça n'a pas rapport, là. Tu fais des parallèles hors contexte. Que même s'il y a un processus sophistique fallacieux dans ce que tu fais là, si tu veux qu'on emploie un mal étant de la rhétorique, je suis pas Macron, c'est pas le même contexte, là. Pourtant, lui, il préfère qu'il n'y ait pas de débat. C'est pas Macron, là. C'est pas lui qui mène, lui. En tout cas, le contexte, lui, il est conseillé là, d'agir comme il fait. Là. C'est pas lui. T'es tombé naïf, calice. C'est-tu que j'haïs ça du monde en main? C'est pour ça que je veux pas avoir de rapport avec toi et je t'aime pas. Pas dans le sens que je t'aime pas psychologiquement, au sens où on l'entend habituellement, mais dans le sens t'es pas rendu à... T'as pas d'affaire à venir ici. T'es pas rendu à me perdre. Je veux dire, ça te donnera rien. Ça peut pas être bénéfique pour toi d'être en rapport avec moi. T'es le genre de personne qu'il faut virer de bord. T'es pas rendu là. Faut te dire... C'est ça, là, je veux dire, on se comprend pas. Tu se comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'essaies de... Si tu vois pas que ça se tient pas, tu vois pas que ça a pas d'allure, si tu le vois pas, t'as vraiment un problème. Ben ça, ça donne à rien de le provoquer. Je suis pas sûr qu'il fume du pot. Mais il y a une vibration de même. Il y a une vibration d'un fumeur de pot, moi, je trouve. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je trouve qu'il y a une vibration d'un fumeur de pot. Tu sais, je dis pas que c'est ça qui fait, mais cette vibration-là, je trouve qu'il y a cette vibration-là. Ben ça, tu n'évolues pas, tu finiras. Ça, quand on n'impose pas son point de vue dans une communauté. Moi, c'est pas une communauté non plus, là. Vincent, c'est qui? C'est Platon moderne. Comment tu t'es fait? Bon, Platon, c'est le nom du chien de ma voisine. OK. Ça a plus d'impact, les sacres, lorsque ça sort de la bouche. De... Bon, peut-être, je pourrais pas dire. Disons que, pourtant, je suis dans ma vie de tous les jours. Moi, j'aime mieux les chiens que Platon. Je trouve que tu es drôle. En tout cas, je vais laisser bientôt, mais l'affaire, là, c'est que M. Trajan, là, il ressent le besoin de venir masticoter. Puis ça peut pas être pour d'autres raisons que des raisons psychologiques subjectives, parce que ça se tient pas ce qu'il me donne comme raison. C'est comme un enfant, là, regarde-moi qui tire sur les jupes d'une vieille. Puis là, moi, le problème, c'est que j'ai pas la douceur d'une vieille. Je suis plus un vieux bonhomme qui crisse des coups de canne. Dans le sens, je parle de ma vibration. J'ai pas l'attendrissement nécessaire. J'ai pas l'attendrissement. C'est pour ça que c'est pas le temps de venir m'achaler. Bon, le téléphone sonne. Ce que je vais faire, je vais vous laisser, là. Donc, bonne journée. On se reparle.